Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 35. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, protonmail.com. L'adresse email, bien sûr, si vous avez des questions à nous poser sur l'émission, si vous avez un courrier des lecteurs à suggérer, si vous avez une information à nous faire connaître, n'hésitez pas à utiliser cette adresse email. Alors, je vous appelle aussi, si vous aimez ce que nous faisons et que vous voulez que ça continue, à nous soutenir financièrement, exclusivement, par don en crypto-monnaie. Tout est expliqué sur le site, sur la partie droite. Les dons, la crypto-monnaie que nous acceptons, c'est le Monero. Nous avons reçu un don cette semaine d'un soutien, d'un mécène. Hein. Alors, c'est un pseudo un peu bizarre, parce que ce sont en fait tout simplement des lettres. Donc, c'est ASDLMED qui nous fait un don de 1,6 Monero. Merci à lui. On a probablement reçu d'ailleurs d'autres dons en parallèle par des personnes qui ne se sont pas manifestées par email, donc si d'aventure vous voulez qu'on vous remercie, comme c'est la moindre des courtoisies, vous pouvez vous signaler par email pour qu'on vous remercie en début d'émission. Voilà. Donc merci encore une fois à tous nos mécènes qui nous soutiennent, ça compte. Alors maintenant je vais présenter nos membres de cette semaine. On est avec déjà MacDav, salut MacDav. Salut Gandalf, salut à tous les amis. J'espère que tu vas bien MacDav. La forme. Super. Fulbert est aussi avec nous cette semaine. Salut Fulbert. Bonsoir, bonjour Gandalf et bonjour à tous. Derek aussi est avec nous. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, salut les auditeurs. Et loué soit l'éternel qui cette semaine a été flamboyant. Hein, et, je suis particulièrement satisfait. Alors moi je suis satisfait et tu auras vu comme moi cette magnifique vidéo où on voit une négresse confirmer hein, les propos du docteur Richet dans les rues de France. Oui, je vais la décrire pour nos auditeurs parce qu'ils ne l'ont pas vue. Enfin, je pense que certains l'ont vue, mais pas tous. Donc, en fait, c'est une magnifique négresse. Enfin, une magnifique négresse, un beau spécimen, un dos argenté. Comme on King Kong. King voilà, Kong. C'est ça. Et en fait, il y a un Français qui marche, on ne voit pas son visage, mais il filme. Et. Il filme le trottoir et tout d'un coup, la caméra du téléphone portable se fixe sur la négresse qui a ses deux mollets gigantesques écartés avec le boubou et qui pisse en plein trottoir, au milieu de tout le monde, les passants qui passent. Et il y a le Gaulois qui lui dit « Madame, il faut aller aux toilettes, vous pouvez pas faire ça là ?» Alors, j'ai trouvé la réponse de la négresse extraordinaire. Elle dit Oui. Et tu sais, elle continue à pisser son flot d'urine, c'est extraordinaire. Et là, en tout cas, la vidéo a bien tourné, hein. Je l'ai vu partout. Moi, je salue la formidable émulation mémétique qu'il y a pu avoir, notamment sur Twitter. C'était assez sympathique. Avec Macron! J'en ai vu une avec Macron. Macron, il est déguisé en, vous savez, comme celui qui vend de la viande en Turquie, là, tu sais, il coupe des steaks, là, voilà. Et tu sais, alors, tu sais, normalement, il met du poivre ou du sel, comme ça, avec un geste de la main, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec le coude un peu relevé. Et là, c'est Macron qui te regarde, avec le même geste, tu vois. Sauf que, à la place du sel, tu vois, c'est la négresse qui écarte, qui est en plusieurs, qui est répliquée comme des grains de poivre et qui tombe, comme ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. Ah ouais, j'ai vu notamment un montage avec les bombardements alliés où tu as un avion qui largue des négresses du coup sur la France. Bon, ça peut être historique, hein. C'est une ellipse. Oui. Voilà, 80 ans d'après-guerre résumé. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Alors, mes amis, je vous propose de commencer avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Premier courrier, hein, sans transition aucune. Chers démocrates participatifs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le travail que vous faites. Grâce à vous, j'ai pu sortir d'une longue léthargie, comme beaucoup de camarades. Pardonnez-moi d'avance pour la longueur de ce message, mais ça me semble nécessaire. Bon, en fait, son témoignage n'est pas si long que ça par rapport à d'autres témoignages qu'on a pu avoir. Alors, mon éveil nationaliste a vraiment eu lieu l'année dernière lors d'un voyage au Japon. J'y ai voyagé seul et j'ai pu comprendre à quel point un pays racialement homogène pouvait marcher. À mon retour au pays, j'ai vraiment vu le désastre orchestré par les juifs et les boomers. D'une part, j'en étais complètement sidéré et les choses sont allées très vite. Après la rage et la tristesse de voir ce que je n'avais jamais pu ou voulu constater, j'ai réalisé l'importance de défendre notre race et nos traditions par respect pour nos ancêtres et dans l'intérêt de ceux qui nous succéderont. EDP m'a entre autres beaucoup aidé. Je ne vous ai pas dit l'allégresse que j'éprouve chaque mardi soir quand je retrouve notre chère équipe. Pour cela, je vous adresse ma profonde gratitude. Passons maintenant aux choses sérieuses. Cet été, je suis revenu au Japon pour un mois afin de travailler bénévolement dans une ferme et me purger de l'enfer racial dans lequel je vis. Mais en arrivant à Kyoto, vlati pas qu'en 2 jours, j'ai pu croiser au moins une dizaine de nègres indolents au sourire débile. Sans parler de ces horribles crouilles d'Algérie à l'accent immonde, je suis sûr que ces sourasses du désert sont venues avec leur passeport français. Mais bon, c'est une des plus grosses villes du pays, me suis-je dit. Pourtant, je ne m'attendais pas au pire. Dernier jour avant d'arriver à la ferme, je suis dans une ville de Shikoku, l'île au sud de l'archipel. Passant la soirée dans une auberge de jeunesse, je me suis dit qu'à part quelques touristes européens, je ne trouverais sur ma route que des locaux. Que nenni, la peste m'attendait dans mon dortoir. Ces ignobles rats crochus qui souillent chaque civilisation pour les asservir étaient terrés dans mon dortoir. Mes amis, j'essaie de porter sur le monde un regard sans haine. Je n'apprécie certainement pas les bougnous et les macaques cafres. Encore moins les traîtres blancs qui nous vendent. Mais il m'est impossible de ne pas haïr le peuple qui, depuis 1945, nous dirige vraiment. À peine entré dans le dortoir, le juif éternel apparaît sous mes yeux. D'abord, une ribambelle d'affaires éparpillées devant leur capsule. Vous le savez, les nippons sont à cheval sur les règles et celle de ne pas importuner les autres est d'or. Rien à foutre, hein. Ces sales youtres sont agglutinés dans leur lit et se marrent comme des baleines en regardant un sketch volume à fond. Ils ne s'arrêtent pas. Si on ne voyait pas les jambes de Shlomo dépasser, on aurait pu croire à 2 nègres défoncés. Un japonais passe et les entend, il me regarde et esquisse un sourire gêné. Alors que je fais en sorte de bien représenter mon pays et les blancs en étant discret et poli, ces sales rats passent pour mes semblables aux yeux des Asiates et porte la honte sur notre race en se prenant pour des déités vivantes. Je l'ai déjà dit, mais je persiste et je signe. Hitler n'a rien fait de mal, il a même été trop clément avec ce peuple maudit. J'ai pris une vidéo de la scène, alors la voici compressée, effectivement il nous la communique. Désolé pour la piètre qualité cependant. Ce billet est un peu long, mais réaliste, vraiment qu'on est nulle part à l'abri. Un grand ménage va devoir s'imposer, merci encore pour votre travail, je vous ferai un don dès que ma situation me le permettra. Amitié participative, et c'était Ragenwald qui nous écrit. Alors, donc Ragenwald, visiblement, avait choisi l'exotisme et de s'éloigner de l'Europe, et en tout cas de la France, pour, comme il le disait, se vider totalement la tête. Bon, on peut le faire partout, hein, y a plein de destinations. Bon, il avait décidé d'aller au Japon. Et pas de bol pour lui, c'est le cas de le dire, il est tombé sur une clique de youtres dans son auberge de jeunesse, sans parler des maghrébins, hein, probablement effectivement français qui déambulaient à Kyoto. Oui. Bon, alors il n'a pas dû en voir des millions. Plus français mais... que toi. Plus français que toi, cher Gandalf. Oui, mais je le confesse, moi. Je le confesse. Non, mais alors, bon. Je vais peut-être m'exprimer là-dessus. C'est peut-être pas la bonne idée de passer par les auberges de jeunesse, franchement, je veux dire. Oui, voilà. C'est là, ça va attirer tous les radins, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir tous les. Bah, tous les... radins, non, pas forcément. Ah, bah, il y avait des juifs, hein. Là. Bah... Oui, non, en fait, c'est pour les voyager à peu de frais, quoi. Tu vois, si tu veux voyager avec un petit budget, t'es obligé de passer par là, quoi. Ouais, non, les capsules, les lits superposés, les petites, tu sais, comment ça s'appelle là, les petites alcôves ou qui font un mètre de haut. Ouais, non, mais ça c'est à Tokyo. Là, il était dans une île au sud d'Hiroshima. Il allait vers sa ferme. Bon, je pense que à la ferme, il a pas dû avoir problème. Bon, il faudrait qu'il nous en parle peut-être à l'occasion. Mais c'est en allant. Et effectivement, je pense en fait simplement c'est une question de budget. Donc il s'est dit, je vais aller au moins cher. Et le problème avec ce type de parce que ça reste une destination touristique, somme toute. Donc, les étrangers, comme ils ne parlent pas la langue, ils vont toujours dans les trucs à étrangers, ils vont toujours, notamment les auberges de jeunesse. Donc, en fait, si vous allez dans une auberge de jeunesse, c'est vrai en Europe, hein, mais si vous êtes dans une auberge de jeunesse, même au Japon, vous allez tomber effectivement sur des étrangers, y compris des Français. Des Français, quoi. Ouais, c'est surtout le plus problématique en fait. Hein. Les Français à l'étranger sont encore plus colorés que les Français en France. Hein. C'est ça, c'est effrayant. Et ça, c'est un phénomène que moi j'ai observé à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que vous avez les touristes, vous avez les visiteurs occidentaux, même jeunes, hein, j'ai des destinations en tête, bon, je vais pas toutes les citer, si vous voulez. Donc si vous êtes d'un côté, vous avez les Européens. Donc vous allez avoir des Italiens, vous allez avoir des Hongrois, vous allez avoir des Allemands, des Néerlandais, vous allez avoir des Britanniques, etc. Et vous allez avoir les Français. Et alors les Français, on les reconnaît tout de suite parce que ce sont on peut pas les décrire en fait racialement. C'est indescriptible, vous savez pas. Est-ce que ça tire sur la Guyane? Est-ce que ça tire sur le Liban? Vous êtes jamais certain. Et vous avez toujours un foutu con de gauchiste blanc paumé avec. C'est la règle. Oui. Si possible. Le français va ressembler à un mélange de François Durper et de Éric Emmanuel Schmitt. Vous voyez, c'est. non, mais c'est vrai. C'est des frayant, trucs c'est... Bizarres. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme je dis, hein, c'est le drame du Libano-Antillais qui frappe la France et qui, de plus en plus, si vous voulez, parce que la France n'était qu'une étape. Et qui de plus en plus frappe tous les autres pays. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube. En fait, racisme Corée du Sud, racisme Chine, racisme Japon. Ouais, ça loupe jamais. Et là, vous avez un Français, si vous voulez, qui vous parle des problèmes de racisme au Japon. Ça va être assez édifiant, je vous promets. Hein. Un Français. Ouais. Oui, mais oui. Bah, il parle la langue de Molière. Oh. Ah bah oui. Bah, moi j'hésite à me présenter comme français à l'étranger, hein, de plus en plus. Forcément, au bout d'un moment, ça se ressent, ne serait-ce que dans ton accent. Tu dis que t'es français d'avant la marée noire. Ah non, moi, dès que je peux, je... Ah bon, c'est bon. Enfin, quand tu vas dans des pays où ils sont pas trop anglophones, tu sais, même avec mon accent coupé au couteau, tu dis que t'es anglais, ça passe, quoi. Les mecs, ils comprennent que dalle, quoi. Mais ouais, moi je dis pas que je suis français, hein, aucune manière. Bah, ça devient, d'ailleurs en Europe, c'est un phénomène encore plus prégnant, puisque, enfin vraiment prégnant, hein. Je veux dire, maintenant, quand vous allez dans l'Est de la France, parce que avec l'Union Européenne et la facilité des transports par car, etc., et puis le phénomène des auberges de jeunesse, les auberges de jeunesse c'est vieux, hein, mais disons que ça draine du monde, et vous avez... des bandes de nègres et des bandes de bicots qui arrivent là-bas et ils parlent français. Alors évidemment, pour les locaux, si vous voulez, ils disent les Français arrivent, oui. Et il y a plein d'histoires comme ça. Je pense qu'on avait cité ici l'anecdote en Slovaquie. Vous savez, les Français arrivent en Slovaquie, ils ont été obligés de partir en courant parce que les Slovaques n'aimaient pas les Noirs. C'est voilà, c'est des anecdotes comme ça. Mais ça devient vraiment généralisé. C'est généralisé. J'avais raconté l'anecdote d'un collègue à moi qui était allé en Russie, à Saint-Pétersbourg. J'ai raconté ça dans la mission, non? Oui. Ouais, je pense. Ouais. Et il faut bien dire aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est le phénomène de l'exportation du virus gauchiste français. Alors ça, si vous ne connaissez pas ce phénomène-là, c'est aussi absolument magnifique. De quoi je veux parler? Alors, c'est-à-dire que vous avez le français, si vous voulez, qui veut quitter la France, si vous voulez, pour s'aérer. Voyez? Et alors, la première chose qu'il commence à faire dans le pays où il arrive, il commence à dire que dans le pays où il est, tout est merdique. Donc, il n'y a rien qui va. La bouffe, ça va pas. Les transports, ça va pas. Les gens, ça va pas. Ni leurs chaussures, ni la façon dont ils... Il n'y a rien qui va, si vous voulez. Bon. Évidemment, quand il retourne en France, il a dit, ah, oh, ouais, extraordinaire, etc. La France est tellement merdique à côté. Ah, ben non, mais c'est comme ça. Et c'est des gens, si vous voulez, c'est un peu comme les Juifs. Ils commencent à essayer de vouloir gendarmer les gens dans leur pays en leur disant, non, mais vous avez rien compris. Alors, ça n'est pas exclusivement français, je te coupe, cher Gandalf, Je veux bien mais croire, hein, mais. tu as eu cette semaine le cas d'une touriste anglaise qui est allée au Maroc et qui a, sur un marché, tu vois, où on vendait du poulet, elle a voulu libérer les poulets parce que, tu comprends, l'exploitation des animaux, c'est méchant, hein. Ah. Et elle est allée jusqu'à mordre le vendeur de poulet parce qu'il empêchait de libérer la... Elle l'a mordu. C'est-à-dire qu'on en arrive à des Occidentaux cannibales qui vont attaquer les sauvages en Afrique. Bah Tu vois un peu écoute. le degré civilisationnel dans lequel nous arrivons, hein. Écoute, si les Blancs arrivent à retrouver un semblant d'agressivité par ce biais-là, moi j'exclus pas la piste, tu vois, a priori. S'il faut en passer par là pour avoir des Blancs qui se mettent à mordre des nègres. Ou des biouïnes. Bon, c'est pas le premier chemin que j'aurais choisi pour ma part. Mais écoute, hein? On fait avec ce qu'on a, quoi. On fait avec ce qu'on Non, a. bah, bon, ouais, Bon, je par sais pas. Moi, contre, c'est... elle a peut-être fait une fois. Deux fois, ça va commencer à être risqué, hein, parce que. Théoriquement, il devrait lui, enfin, la démandibuler, quoi. Bah, ils font gaffe parce que comme le Maroc dépend quand même beaucoup du Oui, tourisme, c'est touristique, c'est un peu problématique effectivement. Ceci étant dit, c'est pas ce que font de pire. Hein. Mais bon, d'accord, je l'ignorais, je l'ignorais. Alors, donc ça, c'est, oui, c'est alors bon, il y a le donc ce phénomène-là des auberges jeunesse. Donc non, je recommande pas. Hein. Moi, je vous propose quand même, en règle générale, d'expérience, essayez de vous creuser un peu les méninges. Même si c'est plus compliqué, parce qu'en général c'est une question linguistique, c'est une question de barre de langue, mais vous pouvez trouver des solutions d'hébergement pour le même prix, probablement même moins cher que ces histoires d'auberges jeunesse. Hein. Mais par contre, évidemment. Tu as du Airbnb partout maintenant, tu as des Ouais, voilà, non, apparts où il y a vraiment des tu rentres alternatives. comme tu veux, tu sors comme tu veux, ça coûte pas très cher. Ouais, non, il y a des. Non, Ça vaut pas le coup de se faire chier, quoi. non, il y a des solutions. Moi, j'ai eu été dans des auberges jeunesse qui étaient sympas, mais c'est dans les pays anglo-saxons. Donc, c'était marrant. C'était marrant parce que c'était beaucoup des Européens, donc il y avait des gens de tous les... Là, c'est cool. Parce qu'il y a vraiment des vrais Européens. Je veux dire, t'as des, je sais pas, t'as des Slovaques, des Allemands, des Britanniques, etc. Enfin, là, tu discutes avec des Européens de partout. C'est vraiment marrant, quoi. Et on voit que l'Europe, ça existe à ce moment-là. Parce qu'en fait, comme tout le monde parle anglais, ça va très vite, quoi. Par contre, mais vraiment, j'ai vraiment remarqué. Je vais pas caricaturer non plus à l'extrême. Je vais pas dire que tous les Français sont des métèques à l'étranger, c'est pas vrai. Et je vais pas dire que tous les Français sont insupportables à l'étranger parce que c'est pas vrai non plus. Simplement, il y a quand même un phénomène. Il y a quand même un phénomène d'halogénisation et de gauchisme qui est quand même prégnant. Et Un phénomène d'exportation de la civilisation, c'est maintenant. ça. Mais par contre, maintenant, ça va tellement vite que maintenant, on prend vraiment des nègres, j'allais dire, qui sont parfois plus noirs qu'au Sénégal, hein. Donc on en exporte des gens comme ça, faut en avoir conscience. Hein. Donc voilà. Mais je dis, hein, bon, je vais pas me répéter, mais voilà, YouTube, racisme en Chine, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et sans parler de la fascination qu'ont les bougnoules pour le Japon, à travers des mangas ou Dragon Ball Z, et ça me laisse pantois. Alors oui, alors ça c'est terrible parce qu'en fait, ça c'est terrible ça. C'est terrible. Parce qu'en fait, c'est probablement le biais le plus commun pour connaître un pays comme le Japon. C'est le plus commun parce que c'est par ça que les gens peuvent avoir accès immédiatement à un produit culturel japonais. Mais c'est finalement assez peu représentatif de la culture japonaise en général. Donc, enfin, je veux dire, c'est quand même dramatique de traverser la moitié du monde pour visiter le Japon. On peut commencer par ça. Je veux dire, on peut dire, ouais, tiens, j'ai trouvé un. C'est le point d'accroche. Mais de penser que vous allez trouver au Japon, par exemple, ce que vous trouvez dans des mangas qui sont pas forcément les meilleurs, loin s'en faut, non. C'est comme de dire, je vais aller aux États-Unis pour découvrir ce pays après avoir lu Marvel, quoi. C'est du même calibre. C'est un univers fantastique, ça a ses règles, etc. Voilà. Mais il y a beaucoup de bougnoules qui vivent dans cet univers-là. À ma grande surprise, d'ailleurs, on voit de plus en plus de bougnoules geek, weeb. C'est pas très heureux comme mélange. Hein. C'est pas très heureux. Hein. Mais il y en a, hein, y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est assez effrayant. Ouais. Alors malheureusement, en fait, avec les vols pas chers, YouTube et le phénomène effectivement de l'animé, vous avez et le passeport français. Le drame. Parce que l'Algérien qui a un passeport algérien, bon, il a les plus grandes difficultés à voyager, vous voyez. Par contre, le nègre ou l'Algérien en France, avec le passeport français, il va où il veut. C'est un des. Je pense que ça va pas durer. Hein. Je pense que ça va pas durer. Mais bon, pour le moment, il a encore un passeport de qualité qui lui ouvre pratiquement toutes les portes. Donc les types arrivent au Japon. Généralement, ils vont à Tokyo. Ils vont pas plus loin. Ils vont dans quelques quartiers, voilà. Et en fait, vous allez retrouver des grappes de ces gens-là dans ces quartiers-là, quoi. Non, mais c'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Donc, je comprends la. Enfin, surtout que notre auditeur, il avait choisi le Japon, je pense qu'il a. Pourquoi pas, enfin, je veux dire, il s'est dit ça comme ça. Il aurait pu prendre un pays européen, bon, peu importe. Il s'est dit, je vais aller là-bas. Et effectivement, si vous y allez dans le but de ne voir plus aucune face négroïde ou d'entendre un sale arabe parler avec son accent de merde avec d'autres arabes à parler à 120 décibels dans la rue, effectivement je comprends qu'on puisse très rapidement être à bout de nerfs, hein. Voilà. Mais c'est un phénomène malheureusement universel, voilà. Ça c'est voilà. En Corée, j'ai remarqué aussi en Corée du Sud, la Corée du Sud ça devient une destination aussi, hein. Il me semble qu'il y avait eu quelques articles postés sur le site avec une espèce de nègre qui était parti en Corée et qui veillait. Ah bah oui. Local, ce nègre là-bas. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire, ce nègre local là? Ramadan et vas-y que je vais démarcher oui. Les musulmans oui, du secte. La mosquée, ça, etc. Bien sûr. Putain, une espèce de gros nègre à lunettes, tu sais. Ouais. Enfin, c'est pas toujours... gros, mais enfin, nègre à lunettes. Mais noir, hein. Noir, hein. Et voilà, il est là, machin, etc. Ça diffuse les vidéos, tu regardes les commentaires, alhamdoulilah, etc. Nous avons un problème français. Et j'ai envie de dire, l'humanité a un problème français, hein, de plus en plus. Parce que, vous voyez, les autres pays, ils peuvent isoler chaque nationalité. C'est-à-dire que... Je sais pas quoi, vous pouvez isoler, je sais pas, les Chinois peuvent isoler le problème turc, les Chinois peuvent isoler le problème algérien, etc. Vous voyez, séparément avec les ambassades. Bon. Le problème, c'est que la France, si vous voulez, réussit cet exploit extraordinaire de faire un mélange de toute la chiasse du tiers-monde musulman. Donc vous avez le turc, vous avez l'algérien, vous avez le marocain, vous avez le sénégalais, etc. Mais tout ça, en plus, à la sauce de la banlieue française. Il vous fait une espèce de surcréature du califat, vous voyez, espèce de condensé califesque, et il asperge la planète avec ça. Et en fait, la mondialisation du monde musulman, elle est en train d'être réalisée dans la banlieue française, et nulle part ailleurs. Oui, en fait, par l'Union européenne, parce que le passeport est européen. Hein, C'est ça. Les accords sont les mêmes. Donc, si des pays comme ça veulent bloquer... la négraille française ou autre qui arrive, ben ils vont devoir faire la même chose pour les Allemands, pour les Polonais, pour tout le reste. Bah, c'est notre principal produit d'exportation. Hein. Si on arrivait à les revendre au prix de la dinde halal, on aurait bouclé notre problème de balance commerciale. C'est sûr. Ah oui. Non, mais il y a un vrai phénomène, si vous voulez, d'unification du musulman type 21e siècle dans la banlieue française, c'est ça. Ce que ne parvient même pas à faire, je veux dire, le Royaume-Uni, ne parvient même pas à faire l'Allemagne, parce que l'Allemagne, ils vont avoir des Turcs, voilà, et ça va rester quand même très turc, alors que la France parvient à mélanger tout ça, ce qui est quand même pas un mince exploit, et ensuite à l'exporter. C'est pour ça que la France est un carrefour du monde musulman, c'est vraiment un carrefour très important du monde musulman, et vous allez retrouver plein d'organisations musulmanes qui ont leur siège à Paris, c'est pas du tout étonnant. Et ensuite, vous avez Ou à Roubaix. Oui, bah oui, ou à Roubaix, là, c'est carrément le... Oui, oui, c'est un émirat. Ah, hein, oui, les frères musulmans sont bien implantés, ils ont leur école là-bas, enfin, c'était... Je crois au califat de Roubaix, j'ai espoir. Hein, ça... Alors, le califat, non, parce que le califat, c'est l'unité globale, mais l'émirat, oui. Tu as eu un califat à Cordoue. Oui, enfin là, c'est un petit peu prétentieux peut-être. Mais il y a eu un calife, enfin, comme il y a eu des empereurs. Mais après tout, al-Baghdadi, désespéré de ne pouvoir trouver un point de chute à la frontière irako-syrienne, bah, peut-être se rabattre sur Roubaix. Hein. Oui. Il y serait en tout cas accueilli en héros, ça j'en suis sûr. Ah bah Macron, de toute manière, je pense que bon, il ouvrirait ses... Oui. Un corridor humanitaire. Voilà. Corridor humanitaire. Bon, alors les gars, passons au second courrier. Bon, on souhaite quand même beaucoup de courage à notre auditeur. Voilà, faut pas désespérer, mais il ne faut plus, cher auditeur, passer par les auberges de jeunesse. Plus passer par les auberges de jeunesse. Chers amis démocrates. Il faut surtout gagner du pognon avant de voyager. ouais, non, mais il y a des solutions maintenant, très peu chères. Franchement, je veux dire, il faut que ce soit en Europe ou ailleurs, je veux dire, il faut... Ne prenez pas les coins à Pékin, si vous voulez. Ne prenez pas les coins à Pékin. Très mauvaise idée. Ouais, les coins à Pékin, tu veux dire à Pékin moyen, quoi. Pas, t'as rien à voir avec la ville. Non, mais l'auberge de jeunesse, c'est garanti, quoi. Je veux dire, c'est vraiment garanti sur facture. Voilà, parce que c'est fléché en anglais, etc. Donc les mecs, ils vont à la facilité, tu vois, automatiquement. Alors que si toi, t'es vraiment dans l'idée de vraiment de rompre avec là d'où tu viens et de t'immerger complètement, non, tu vas carrément chez l'habitant même. Tu vas carrément chez l'habitant. Ce sera ça le mieux, à tout point de vue, mais même. Tiens, je voulais dire aussi, il y a exactement le même problème avec les foyers de jeunes travailleurs. D'ailleurs, en fait, les foyers de jeunes travailleurs ne sont plus accessibles aux jeunes blancs parce qu'il n'y a plus que des migrants dégueulasses. Et ça pose vraiment un problème parce que. Si tu dois aller dans l'autre coin de la France, de l'autre côté de la France pour travailler pour 6 mois, si t'as pas ces structures-là, qu'on à la base été créées justement pour les jeunes travailleurs, bah tu l'as dans le cul. Hein, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est quand même la réalité. Donc on fait déplacer des migrants de l'autre côté du monde pour les occuper à des jobs totalement inutiles, on est incapable de faire bouger la jeunesse française travailleuse convenablement, quoi. Enfin bon, bref. Ouais, bien sûr. Alors, deuxième courrier. Chers amis démocrates, de prime abord, je tenais à vous remercier pour votre travail. Je suis votre émission assidûment depuis un certain temps et je ne cache pas avoir besoin de ma dose de DP chaque semaine. La brève interruption dont vous avez été victime m'a donné autant de sensations de manque que celle d'un congoïde du quartier de la Chapelle. J'espère que vous pourrez continuer ainsi et que la censure Youpin n'aura raison de votre verbe sacré. Prions l'éternel. Ces félicitations primordiales étant effectuées, je vous présente mon dilemme. Il concerne mes relations sociales et plus particulièrement celles avec ma meilleure amie d'enfance. Je suis une jeune femme de 30 ans et je me sens dans une profonde impasse. Laissez-moi vous présenter le contexte. Je suis dans une ville moyenne, colonisée depuis des années. J'ai grandi au milieu des crouilles et des nègres depuis mon plus jeune âge. Leur contact quotidien était si naturel que je n'y prêtais guère attention. Cette engeance était la normalité. Si bien qu'arrivé à l'adolescence, j'avais clairement une tendance gauchiste, métissolâtre, antifasciste. Soit l'exact opposé de ce que je suis à présent. À l'instar de toute personne normotypique, je faisais ces idées miennes car elles constituaient la meilleure façon de ne pas être mise à l'écart du groupe, pour ne pas dire de la société. Elles étaient également le moyen d'exprimer une opposition avec mes parents, passage inhérent dans la construction de l'adolescence. Ceux-ci étaient d'extrême droite, pro-Jean-Marie Le Pen à la meilleure époque. Ma mère avait d'ailleurs le portrait du sémillant président du Front sur le réfrigérateur, ornement qui nous valut de nombreux conflits lors des repas de famille. Vous le savez très bien, les progressistes ont ce don si cohérent de juger les autres et d'être les rois de l'intolérance à partir du moment où votre pensée ne va pas dans leur sens. Un comble quand on sait qu'ils nous reprochent notre manque d'ouverture. Bien entendu, les gauchistes en question vivent à la campagne, dans un milieu privilégié, une magnifique maison où les peaux bronzées ne sont dues qu'au soleil, afin que la proximité du voisinage ne puisse parvenir à égratigner leur grandeur d'âme. On ne loue la diversité qu'en s'épargnant ses bienfaits. Par la suite, certaines rencontres de blancs m'ont fort heureusement donné à réfléchir sur la question raciale. Force de lecture, d'échanges, de conférences sur le sujet, j'en suis venu à cette conclusion. Je suis devenu totalement raciste, national-socialiste, ouvreuse de vannes de bégon jaune. Je me sentais complètement perdu à l'adolescence. Je suis convaincu que ce vide intérieur était lié à la dissonance entre le catéchisme vivre-ensembliste, auquel je devais me conformer, et une réalité qui en contredisait le moindre dogme. Depuis que je suis cette ligne, je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression de m'élever intellectuellement, physiquement, sportivement, je sais enfin qui je suis, quelle conduite adopter, et ce que je veux vraiment. Après cette brève présentation, laissez-moi vous décrire mon aporie. Ma meilleure amie, que je connais depuis l'âge de 3 ans, est métisse. Père noir, mère blanche, comme très souvent, la femme est la première à collaborer. À notre adolescence, nous étions sur la même ligne, ouverture auprès de toutes les races, style de musique, nègre, décadent, goût vestimentaire douteux, cosmétique de pute, telle faux ongle, conversation sans contenu, futile, etc., etc. À présent, vous vous en doutez, les choses ont changé. Alors que j'ai effectué une révolution au sens astronomique, elle est restée à piétiner dans sa bauge, se plaisant à souiller sa peau, déjà maculée d'un immonde fond de teint, de toute la boue cosmopolite. Elle n'est pas au courant de mes idées, et je confesse ne pas oser aborder le sujet de peur de la blesser. C'est malgré tout quelqu'un que j'estime, que j'apprécie pour certaines qualités, et qui a su m'apporter son soutien lors de périodes difficiles. Cependant, elle ne sort qu'avec les nègres, les plus simiesques et caricaturaux, en ne jurant que par eux. Elle a même fini par succomber au racisme anti-blanc. À 29 ans, toutes ses relations sont évidemment des échecs. Entre les dealers, les menteurs, les manipulateurs, les infidèles, pléonasme, parlant des nègres. Mais elle ne fait apparemment aucun lien. Et je vous laisse imaginer la difficulté pour moi de lui dire « Évidemment que tu ne trouves que des déchets, tu ne choisis que des nègres. » Je mettrai évidemment fin à une amitié de plus de 27 ans, le cas échéant. Je suis d'ailleurs devenu beaucoup plus distante, il n'en demeure pas moins qu'il m'est très difficile de censurer mes idées. Alors je sais que la race importe plus que l'amitié et que nos chemins ne peuvent qu'inéluctablement se séparer. Je peine pourtant à rompre ce contact. Alors camarades démocrates, que me conseillerez-vous ? J'en appelle particulièrement à la sapience du cardinal Derrick, docteur S. Négrologie, que l'éternègre loue sa divine sagacité. J'espère que ce courrier n'est pas trop décousu, qu'il vous sera digne d'intérêt, que j'obtiendrai une réponse qui me soit d'une grande aide. Continuez votre travail d'information, le plus longtemps possible. L'acharnement de la République négro-sémitique à votre encontre est la preuve même de l'efficacité de votre site. Je conclurai sur les derniers mots des carnets de Turner. Vive la victoire et si Kael, ami démocrate. Alors, c'est une jeune femme qui nous écrit, vous l'avez compris. Derrick, puisque tu es sollicité, dirais-je. Ouais, ouais, votre excellence, votre excellence, votre excellence. Oui. cardinal, permettez-moi d'abord de vous baiser la bague, juste avant. Oui, oui, oui. Voilà, hop, voilà. répondez à notre auditrice qui se pose des questions. Ouais, ouais, bah, écoute, bah, manifestement, l'ami de notre auditrice a plus pris du côté de son père, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose à voir dans le métissage, avec le gène paternel, hein. Est-ce que le fait que ce soit une femme blanche qui soit soumise à un nègre fait que la progéniture sera plus, tourner du côté nègre contre du côté oui, blanc. Oui, il y a des études là-dessus, oui. Je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose de cet ordre-là, quoi, hein. Bon, bien que le nègre américain étant passablement matiné de gènes paternels blancs, du fait que hein, y avait pas mal de... Bah, Fulbert en avait parlé. Pas mal de va-et-vient. Non, non, mais Fulbert en avait parlé, en fait. Il avait expliqué comment ça se passait dans les propriétés où il y avait des esclaves, en fait. Voilà, voilà. Pour la reproduction, etc. Enfin, bref, c'est ça. Donc, bon. Ouais, bon, ça reste quand même des nègres. Hein. Même s'ils sont un peu plus évolués au niveau du QI, ça reste pas moins des sauvages. Des mulâtres, quoi. Ouais. Mais là, manifestement, l'ami de notre auditrice hein, cherche à se rouler dans le nègre le plus caricatural, dealer, etc. Enfin, ça doit avoir du gros nez, ça doit empester la transpiration. Enfin, c'est... Je le sens déjà de là, quoi. Je sens le truc. Elle doit être même plus à rechercher le nègre indolent qu'une négresse pure, 100%. Quoi, hein. On doit être dans la folie que peuvent connaître tous ces métis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Folie identitaire, tu vois, ils ont une espèce de... une volonté de surcompenser, c'est tout, hein, voilà. Voilà, ils ont une volonté de compenser, elle ne se trouve pas assez nègre, donc elle va chercher le The Niggest, hein, pour compenser la chose. Ouais, The Niggest, ouais, exact. Alors, du coup, elle s'interroge, elle se pose la question, qu'est-ce que, face à cette femme, enfin, la jeune femme qu'elle connaît depuis longtemps, bon, avec laquelle elle a passé, bon, voilà, elle a de bonnes relations, en tout cas, à un certain niveau, vers un niveau assez... au niveau individuel, on va dire, qu'est-ce que tu en dis? Ah, qu'est-ce que... écoute, oui, il n'y a pas de... Enfin, tant qu'elle arrive à s'entendre avec elle, bon, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci particulier, de toute manière, à titre individuel, on peut toujours avoir des affinités avec qui on veut, du moment que ça ne va pas... Du moins que ça ne va pas faire des gamins hein, dans le cas d'une affinité un petit peu plus évoluée entre un homme et une femme. Mais bon, là en l'occurrence, bon, c'est une amitié assez vieille. Il faut quand même avoir en tête que oui, mais il faut laisser la chose crever de sa belle mort. Quoi, hein. Bon, à mon avis, faut pas se forcer à prendre des distances. Comme ça, les choses vont se passer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que l'autre va se plonger dans la turbo-négritude et va aller crever là-dedans, quoi. Elle va peut-être terminer toxicomane ou autre. Ce serait quoi que l'état maman est là pour quand même nourrir, enfin, supporter la chose artificiellement, à voir. Mais je pense quand même qu'elle ira dans une logique de destruction qui va la mener à une mort assez rapide. Hein. Ça, j'en sais rien, mais... Lente. Oui, peut-être d'autant plus que si c'est une amie d'enfance, on peut en déduire que Métis en question a le même âge que notre auditrice. Si oui, ça, 29 ans, 29-30 ans. Ouais. Si elle n'a pas d'enfant, je pense que son hormone biologique doit la travailler. Et si elle se cherche un nègre pour se reproduire, je pense que en fait les ponts vont se couper de façon plus ou moins tacite, quoi. C'est que ouais, c'est naturel. La métisse va élever ses moutards. Enfin, et puis notre auditrice, elle va se rendre compte que voilà quoi, les moutards métis sont absolument insupportables. Je pense que son ami va devenir complètement névrosé voilà quoi, vous allez couper les ponts tranquillement. Ouais, en l'occurrence, si elle a des moutards, il est fort peu probable que le type reste avec. Ah non, il sera pas là. Avec, hein. Ah bah voilà. Oui, alors le truc à ne pas faire, c'est de supporter sa copine d'enfance en jouant la nounou bénévolement. Ah oui, voilà, oui. Il faut pas importer l'amitié, etc., jusqu'à en arriver à faire de l'élevage de nègres. Oui, ça effectivement, ça serait problématique. Mais je pense que bon, notre auditrice n'est pas dans cette optique-là. Elle a pas l'air d'avoir cette sensibilité-là, effectivement. Non, non, en plus le courrier est bien construit, hein. Oui, Très tout à très fait. bien construit, très bien écrit. Très bien écrit avec Alors, des mon jolis avis, mots. à mon avis, bon, elle est quand même structurée idéologiquement, cette dame. Alors, moi j'ai envie de dire une chose. Oui, alors c'est bien parce que récemment on reçoit pas mal de courriers de personnes qui expliquent leur cheminement et qui viennent de milieux pas du tout d'extrême droite. Enfin, ses parents étaient d'extrême droite, dit-elle. Ce qui est Je pense que c'est pas la ce qui l'a règle, à sauvée, hein. Oui. Peut-être, il y a peut-être. Elle a dit qu'elle a rencontré elle a rencontré des personnes donc, de race blanche qui l'ont. Allez savoir, elle n'en dit pas plus. Alors, le cas, effectivement, qui doit arriver plus souvent qu'on ne pense, le cas d'avoir un ami d'enfance, bah, qu'on n'a pas choisi parce que c'est un ami d'enfance, voilà, que depuis 3 ans, bon, somme toute, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas trop de tension, etc. Mais en fait, vous allez voir toujours le même phénomène, c'est-à-dire le phénomène de stagnation. Et ça, c'est bien résumé dans le courrier de notre auditrice. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de stagnation qui est surtout prévalent avec les nègres. Ça, c'est vraiment évident. Or, les blancs progressent finalement toujours au cours de leur vie, parce qu'ils sont toujours dans un cheminement intérieur. Il y a toujours une recherche. Et plus on vieillit, plus on approfondit cette recherche, on s'interroge sur beaucoup de choses, etc. Tel n'est pas le cas des nègres, du tout. Loin s'en faut. Alors, je dis pas que tous les blancs sont dans la même démarche, mais en règle générale, les blancs se posent quand même des questions existentielles, si vous voulez. Et cette jeune femme se pose très certainement des questions. Alors là, pour elle, je pense que très prochainement, la question qui va se poser de caractère existentiel, ça va être celle de fonder un foyer. Je pense qu'elle va vouloir avoir des enfants. Et si vous voulez, enfin si elle veut, pour moi, là, le chemin qu'elle a déjà commencé à emprunter, c'est de créer un univers mental qui soit sain, qui soit à peu près stable aussi, où il y a des repères assez forts, et qui, je veux dire, qui prédispose pour la fondation d'un foyer à peu près équilibré, etc. Or, si vous avez dans votre environnement immédiat toujours quelqu'un qui précisément est en échec, et qu'en plus vous savez que c'est conditionné partiellement par la race, en fait, hein, voilà, parce que, voilà, Derrick a quand même brossé un aperçu, et puis MacDav aussi, si vous gardez quelqu'un comme ça dans votre entourage, il va pas vous envoyer des ondes positives du tout. Il va pas vous aider. Parce que c'est ça aussi, c'est à ça aussi qui sert une amitié. Une amitié, c'est dans les deux sens. Hein. C'est aussi d'élever. C'est d'élever, de tirer vers le haut, je veux dire. Si vous avez quelqu'un qui est constamment en échec, et qui, au bout d'un moment, va commencer à sortir le catéchisme anti-blanc à cause de ses propres échecs, il va y avoir un problème si vous, par ailleurs, vous êtes conscient oui. de ces trucs-là, parce que vous allez être totalement en porte-à-faux. Donc, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Derrick quand il a dit « ça sert à rien de brusquer les choses ». Moi aussi, alors déjà, il ne faut pas parler politique. Je dis à cette auditrice, oui, surtout n'abordez pas ces questions-là avec cette personne, puisque de toute façon, il est impossible pour des raisons biologiques, qu'il y ait un moyen terme, donc c'est pas possible. Donc n'allez pas créer plus de problèmes qu'il n'en faut, qui vont ensuite occuper votre esprit, etc. N'allez pas non plus créer inutilement des frictions, des tensions avec cette personne, parce que vous allez tourner autour du pot, etc. Ça sert à rien. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut... En fait, plutôt que de se dire, est-ce que je dois déballer, est-ce que je dois rompre, etc. Moi, je répondrais plutôt par une solution positive. Essayez de trouver des personnes qui vous apportent quelque chose. Essayez de trouver des personnes qui vous apportent quelque chose. Voilà, sans vous soucier particulièrement de cette personne-là. C'est-à-dire, ne vous focalisez pas là-dessus, mais cherchez activement des personnes qui vous apportent quelque chose. Et vous verrez que mécaniquement, le cycle vertueux va se mettre en place. Oui. Et voilà. Et voilà. Oui, c'est-à-dire que notre auditrice, donc il y a 30 ans, bon, qui je pense doit être. Hein, on doit avoir l'horloge aussi qui tourne à chercher à fonder une famille. Si d'aventure, d'ici les 1 an, 2 ans, elle avait un gamin ou une gamine, elle verrait, je pense, d'un assez mauvais œil cette négresse approcher avec sa musique de merde et ses nègres toxicomanes, dealers qui la bourriquent. Oui, ou ces histoires absolument inaudibles sur « Oh, il m'a encore largué, oui, etc. Oui. » Voilà, Donc là, bon, ça... Non, mais même, ça serait... Ça, bon, là, ça serait l'instinct maternel, pour le coup, qui prendrait le dessus. Mm-hmm. Et la chose se ferait De manière douce, mais définitive. Mais oui, non, je recommande pas de, parce que je veux dire, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est notre auditrice a un problème, c'est-à-dire qu'elle mécaniquement, elle est convaincue, vous voyez, elle est pénétrée d'une idée, aussi probablement d'un instinct, c'est-à-dire son instinct naturel a été réveillé parce qu'elle l'a stimulé consciemment, en conscience, quoi. Et donc, quand elle entend des énormités, notamment dans son environnement immédiat et chez des connaissances qu'elle a, elle a qu'une envie, c'est de porter la contradiction. Simplement, ça va susciter des conflits inutiles parce que insolubles, pour les raisons que j'ai dites. Donc, ça ne sert à rien de se créer artificiellement des difficultés. Donc, le mieux, quand on a un obstacle qu'on pourrait de toute façon franchir, mais au terme d'un conflit, autant l'éviter, voilà, rendre les choses plus simples, indolores, et plutôt d'opter, comme je dis, vers la recherche de personnes qui ont une influence bénéfique sur son état d'esprit et sur son environnement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais à cette jeune femme. D'éviter le conflit, d'opter pour des gens qui lui apportent beaucoup, de se focaliser aussi probablement sur la maternité à venir, et donc de ne pas trop se focaliser là-dessus, et voilà, et de laisser les choses évoluer comme ça, tranquillement. Voilà. Mais il est certain aussi que cette personne-là, selon moi, je dirais d'ailleurs la même chose, en toute honnêteté, d'une femme blanche. Je veux dire, je pense que cette femme-là a une vie tellement déstructurée qu'elle a de toute façon une influence négative. Donc, stratégie de vie rapide. Hein. C'est ça. Donc il faut, bon voilà, je veux dire, il y a des choix à opérer, si vous voulez, un peu comme du ménage, si vous voulez. Voilà, il faut. Selon que la qualité de vie que vous voulez avoir, vous avez des choses que vous allez éviter. Voilà, c'est... Voilà, si vous laissez pas un truc pourrir sur votre table dans la cuisine. Parce que sinon, ça va impacter la qualité de votre repas futur, on est bien d'accord. C'est un peu la même chose. Voilà. Je pense que ça vaudrait pour les gars, mais je comprends parfaitement. Enfin, je veux dire, on a tous eu, je pense, des halogènes dans notre environnement immédiat, dont on n'a pas forcément recherché la compagnie, mais qui se trouve être là parce que un tel le connaît, etc. Bon, vous cherchez pas le conflit, mais après, vous n'allez pas non plus vous cacher dans vos chaussettes, quoi. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a à peu près répondu à notre auditrice. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être sur une autre dimension qui nous aurait échappé. Pas spécialement. D'accord. Eh bien, j'espère que notre auditrice aura quelques points de réflexion, qu'on aura aidé à sa réflexion. Alors, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Не знаю я, что ты копаешь. Не знаю, что ты копаешь. И приведу. всіх єдину наш гордий клич народові несе вітчизні будь прихил небес упину нам Україна вище понад все вітчизні будь прихил небес упину нам Україна вище понад все Voici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, rubrique numéro 3, le sale nègre de la semaine, qui a déjà figuré sur notre tableau de chasse, c'est Lilian Thuram, hein, qui s'est exprimé dans le journal, enfin qui a été cité par le journal L'Équipe. Alors voici ce que ça dit. Cri raciste en Italie, Lilian Thuram propose de s'inspirer de la France. Oui, l'Italie doit s'inspirer de la France, vous avez bien compris pourquoi. Dans une longue interview donnée au Corriere dello Sport, Lilian Thuram est revenu sur les cris racistes adressés aux joueurs de l'Inter Milan. Romelu Lukaku, dimanche dernier à Cagliari, propose de s'inspirer de la France. Il y a une hypocrisie incroyable et il manque la volonté de résoudre le problème. Ne rien faire équivaut à être d'accord avec ceux qui poussent les cris racistes. Si quelque chose vous dérange, vous faites tout pour la changer. En France, on interrompt les matchs en cas de comportement contre l'homosexualité dans les tribunes. Suspendre la rencontre et renvoyer les joueurs au vestiaire, cela veut dire éduquer les gens. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Poursuit l'ancien défenseur de Parme et de la Juventus de Turin. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Oui, c'est la même chose. Il répète, hein, deux fois, il se répète, il a peur de ne pas se faire comprendre. Au stade nègre, quoi. Oui, effectivement. A raison, a raison. Alors, de toutes les manières, ce sont eux qui doivent trouver une solution à leur problème. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon, et pour n'importe quelle raison, l'histoire le dit. Oui, pensez très fort à l'Afrique du Sud, chers amis. Alors, mes amis, ça a déclenché une polémique, puisqu'en fait, il a dit que, voilà, hein, donc les blancs pensent être supérieurs, je peux pas m'empêcher de le reciter, hein, les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Oui. Tu sens que ça, il y a un petit vélo, quoi. Hein, voilà. la roue est voilée, quoi. Hein, c'est, voilà. Alors, donc, le con de nègre, quoi. Alors voilà, donc la culture italienne, la culture française, la culture européenne, la culture blanche, hein, voilà, c'est raciste. Il va falloir rééduquer tous ces blancs là, hein, pour qu'ils acceptent de disparaître. Donc non, ce nègre des Antilles a très bien compris ce qu'avait compris Fanon avant lui, hein, quand tu parles des juifs, hein, les blancs qui parlent des juifs parlent aussi du nègre, en fait, hein. Et c'est ça, c'est-à-dire que Thuram veut importer la juiverie en Italie, hein, c'est-à-dire l'État juif qui dirige la France pour mater le peuple. Hein, et il a quand même réussi à faire des liens entre les deux. Ouais, oui, il y a eu une forme de symbiose entre les deux. Non, mais c'est quelqu'un qui, en plus, je veux dire, est en partenariat avec le CRIF. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui. Là, se base sur Fanon. Ça vient de là. C'est des Antillais de merde, quoi, encore. Oui, bah, de toute façon, on les français, excuse-moi. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, en plus de toutes les rentes qu'il a, essaye de jouer le Malcolm X là d'hypermarché Leclerc, hein, et puis en plus comme tous ces nègres comme Roca et Diallo, c'est des mecs, ils vous parlent de société post-raciale, d'égalité. Les types sont des ultra-racistes, ils passent leur temps à exalter la force de la race noire, le génie de la race noire, je veux dire, il y a... En fait, c'est marrant, mais je veux dire, dès qu'il y a un footballeur qui réussit, ou dès qu'il y a... Tout de suite, ils se mettent à exalter la race nègre, vous voyez, mais en plus... De manière totalement dissymétrique par rapport aux réalisations effectives de la race nègre, hein, qui sont proches de zéro ou même. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est plus oui, plus enfin, échouent. Je t'invite à t'intéresser aux vaisseaux spatiaux. Je sais. Hein non, mais, oui, c'est, non, mais, non, mais c'est fascinant, quoi. Je veux dire, c'est plus ces mecs sont au fond des chiottes, plus à les écouter, ces types sont les rois du pétrole. Hein. C'est mais quand même c'est ça. C'est très, très bien comme ça. Ah non, mais ça me va c'est très, bien. Très bien. Mais qu'ils le fassent chez eux. Qui viennent pas saturer les zones avec l'aide des juifs mais... pour nous bourrer le mou, quoi. C'est insupportable. Là, il y a Rakaya Diallo qui en a mis une couche. C'est excellent. Parce que comme ça, on se rend compte que voilà, si tu t'abreuves un nègre d'antiracisme, lui, ce qui va ressortir, c'est du racisme anti-blanc, mécaniquement. Bien sûr, je suis d'accord. C'est bien, ça va ouvrir les yeux des plus paumés. C'est très bien. Oui, ou pas, hein. Non, en tout cas, le truc intéressant, c'est que, indubitablement, et là, d'ailleurs, ça a été le point d'achoppement, en fait, c'est que, comme il a dit les Blancs, les autres ont dit, c'est raciste, c'est-à-dire que votre argumentaire est déterministe, c'est-à-dire que vous prêtez à la race blanche des idées en raison, motivées biologiquement. C'est-à-dire que vous voyez un automatisme entre le fait d'appartenir à la race blanche et le fait d'avoir une certaine philosophie. Ce qui d'ailleurs est peut-être vrai, je veux dire, sur toute une série de sujets, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a effectivement des déterminismes raciaux. Mais dans une société comme la société française qui est totalement juivée et qui a coupé le lien entre les déterminismes effectifs biologiques et la culture, notre ami Thuram pêche. Il est hérétique à sa façon. Sauf qu'il est hérétique en tant que nègre. Et comme il est hérétique en tant que nègre, et que le tribalisme nègre est à fleur de peau, et que tous les métèques, de toute façon, haïssent les blancs, ils y voient dans ce clash, donc en fait, qui a été. Parce qu'on a vu la Lycra qui a repris. Il y a eu un affrontement entre Diallo et la Lycra sur je ne sais plus quel plateau de télévision. La Lycra a dit ce que je viens de dire. Ils ont dit, en gros, les propos de Lilian Thuram sont problématiques, puisque c'est quelqu'un qui essentialise, c'est quelqu'un qui crédite l'idée qu'il y a un déterminisme racial. C'est-à-dire que les blancs. On peut essentialiser uniquement quand il s'agit de l'essence divine d'un certain peuple. Hein. Non, mais je veux dire, en restant sur le sujet, la Lycra dit, Lilian Thuram ne va pas parler comme ça, il essentialise à propos des Blancs, et s'il essentialise à propos des Blancs, on va basculer dans le racialisme et inévitablement dans le racisme, et vous savez bien que les Juifs ne craignent rien tant que la fierté raciale, chez tous les peuples d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent plus manœuvrer à leur aise entre des groupes raciaux qui sont conscients d'eux-mêmes et conscients de leurs intérêts. Donc pour eux, plus les masses sont inconscientes racialement, plus on peut les mélanger, on peut touiller ça, faire une espèce de pâte, hein, voilà, malléable, et nous, on tire les ficelles dans la coulisse. Or, avec des blocs homogènes, conscients identitairement et racialement, là, ça va être de plus en plus difficile de manœuvrer. Bon. Et c'est donc, en filigrane, c'était ça le reproche de la Lycra. C'était ça le reproche des Juifs, adressé à Lilian Thuram par l'intermédiaire de Diallo, parce que la discussion se faisait avec Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, et c'est très révélateur, dit mais attendez, en fait, elle répond pas trop sur le fond. Elle dévie, comme toujours, hein, cette guenon est plus prudente que les guenons habituels. Oui, je pense qu'elle son quotient intellectuel est. Bon, on va dire globalement celle d'un maghrébin. Elle doit être. Ouais, mais de toute façon, ça reste une gonzesse. Du côté extrême de la courbe de Gauss, elle. Hein. Ouais. Mais de toute façon, elle fait partie de l'équipe Obama, Parti démocrate, etc. Donc, elle a dit. Mais c'est quand même dingue de bloquer sur la phrase de Lilian Thuram, alors que quand même, le problème de fond, c'est quand même les cris de singe dans les stades. Donc, en fait, elle n'adresse pas le problème de fond idéologique. Enfin, la remarque, la critique idéologique qui est faite par la Lycra à Lilian Thuram. Elle dévie, elle dit, mais quand même, vous devriez être quand même beaucoup plus choqué par les cris de singe, etc. Bon. Et là, ça coinçait. Fait très intéressant, Dominique Sopo, là, c'est SOS Racisme, lui, c'est l'équipe Parti Socialiste, etc. Mais c'est... Il y a de la concurrence, quoi, avec la Lycra, quoi. Et là, eux, leur ligne à SOS Racisme, c'est d'adhérer de plus en plus au discours indigéniste, qui est un discours racialiste. En plus, c'est même pas. Enfin, quand il parle d'indigénisme, qu'on s'entend, en fait, c'est de l'allogénat. C'est pas de l'indigénisme, c'est de l'allogénat. Les nègres ne sont pas des indigènes en France. Ce sont les allochtones. Ce sont les étrangers. Bon. Mais il joue sur les mots, vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, oui, on nous a quand même volé notre identité. D'indigène, ouais, c'est fascinant. Oui. Hein. L'indigène, c'est moi. Hein, c'est-à-dire, tu vois, mais il faut être logique. Je veux dire, si c'est nous les indigènes, c'est nous qui sommes censés avoir logiquement le pouvoir. Quoi. Mais non seulement on a le pouvoir, mais on n'est pas les indigènes. Donc comment ça se fait qu'on a le pouvoir en France? Si on l'a, par ailleurs, on l'a pas. Hein, mais s'il y a un pouvoir suprémaciste blanc en France. Non, mais en fait, les mecs vous expliquent que non seulement les blancs en France sont pas chez eux, qu'ils exercent un pouvoir illégitime, et qu'il faut décoloniser la France pour instaurer le pouvoir nègre et afro-musulman. Enfin, les mecs sont complètement tarés. Ils sont complètement fous, les types. Oui, non, mais moi, je pense qu'il faut laisser faire le plus possible ces nègres-là. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Non, ça va se faire, mais bon, les nègres sont vraiment cons comme des balais. Quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont agressifs, ils veulent dévorer les blancs vivants, quoi. Le truc, c'est que, tu sais, les types... Mais ça, c'est le nègre. C'est-à-dire que le juif sait qu'il faut être malin pour voler. Le nègre, lui, c'est le primate. Donc lui, il voit la banane, il la prend. Tu vois, il est là, moi prends. Il n'y a aucun moment, tu vois, il va falloir être un peu malin, tu comprends. Il va falloir un petit peu se cacher, se planquer, on va un peu manœuvrer. Non, le banane, la maprune, tout de suite. Tu vois. Et tu sais, quand tu dis non, le nègre, il fronce ses sourcils, ça bloque et il devient agressif. Tu vois. Ça, c'est, non, mais c'est ça. Alors, c'est toute la différence entre, tu vois, le levantin, oui, roublard, oui, c'est-à-dire que le nègre n'est pas un vrai parasite. Le juif, lui, est de nature parasitaire depuis des millénaires. Hein, il avance tel le lierre sur un chêne pour l'étouffer, le paralyser et le tuer. Bon, que lui, le nègre, il arrive, il monte sur l'arbre, il casse des branches, quoi. Hein, C'est ça. En fait, ouais, le nègre ne se possède tellement pas que même pour sa croissance, si vous voulez, il n'y a pas de stratégie. C'est simplement du fait, c'est simplement du fait de la générosité, d'ailleurs presque accidentelle, du blanc. C'est-à-dire qu'il y a des branches, ils montent, quoi. Voilà. Alors, du coup, Lian Thuram, en fait, que tout le monde voit. Et c'est très marrant. C'est très marrant parce que ça suscite l'hostilité des blancs, vous savez, même les blancs les plus antiracistes. Alors là, j'en viens avec Pierre Ménès, commentateur sportif qu'on ne présente plus, qui par ailleurs, d'ailleurs, est une merde humaine, hein, entre nous soignants. Oui. Mais pour une fois, bon, voilà, ça lui est arrivé d'avoir un propos juste, de fait. On l'écoute et on se retrouve. Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Ouais. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. Ce que vous faites ? Ce qui m'arrive d'avoir... Je vous pose la question, Pierre. Je sais que vous êtes au CFC le soir, mais peut-être que le matin... Il y a quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent. Et ben, je veux dire... Allez voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. Je vais vous donner un exemple très précis. Je trouve que c'est bien. Celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot, il avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé et il a dit, au bout de deux fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu y vas plus ? Il dit, on ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne passe pas la balle, on ne prend pas la douche. Alors, on a écouté Bernard Ménès. Alors, tout ça pour dire... que, en gros, les propos de Lian Thuram ont déclenché une polémique, d'accord ? Ça suscite des réactions, et ça rompt le consensus de départ qui était autour des cris de singe dans les stades en Italie, d'accord ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une polémique dans la polémique, et du coup ça divise le camp de l'antiracisme, une division qui existait déjà depuis un moment, parce qu'en fait les Arabes et les Noirs racialistes, en fait, qui, eux, sont dans la vengeance. Et vous avez la gauche qui chapeautait tout ça et qui avait un discours dit universaliste, tendance Licra. Bon, ça a été exposé. Et on a maintenant des gens, comme Pierre Ménès, je dis Bernard Ménès, mais autant pour moi, Pierre Ménès, qui sortent du bois et qui sortent un petit peu leurs petites histoires, leurs petits témoignages, alors que les mecs, par ailleurs, en font des tonnes dans l'antiracisme depuis X temps. Alors du coup, là, je vous sollicite, vous avez entendu Pierre Ménès raconter l'anecdote à propos de son gosse. Je précise que Rokhaya Diallo s'est foutu de la gueule du gosse de Pierre Ménès en disant bah vous avez vu en fait c'est pas du racisme ou bien de l'ostracisme ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est nul, donc les autres ne lui parlent pas parce qu'il est nul, voilà, hein, et en rigolant. Donc oui. Évidemment, alors, faites-la à l'envers avec un nègre qui est isolé dans un club, vous avez Rokeïa Diallo sur tous les toits. Mais comme oui, dans un club, et MacDav, ce sont des nègres et les nègres sont cons comme des balais, donc évidemment ils peuvent pas s'empêcher. Ah oui, non, mais exactement, c'est-à-dire que bon, même nous, les ultra-racistes et compagnie, on l'a vu même avec notre auditrice en première partie, on peut avoir des conversations, on arrive à échanger poliment avec des nègres, hein, ça peut arriver, même si le nègre n'est pas forcément très réceptif, mais la négresse se fout de la gueule du gamin de Pierre Ménès, c'est merveilleux en disant, mais... Ouais, ton gamin, c'est une merde, c'est pour ça que les nègres, j'ai envie de dire, les rois, hein, les rois nègres, hein, les kings, ne lui parlent pas. Bon, ouais. Donc, oui. c'est une très mauvaise idée, ça serait peut-être une bonne idée dans 30 ans en France, ça, des provocations comme ça, mais c'est une très mauvaise idée quand on est encore une minorité de prétendre gouverner le pays comme si on était la majorité, ce que ces gens sont en train de faire. Oui. Permets-moi de revenir sur le passage de Pierre Ménès là, ouais. En fait, quelle histoire d'un. Il explique en fait, bon bah, comme on l'a entendu quoi. Donc, il explique que voilà, bon. Voilà, mon gosse, c'est vrai, il est dans un îlot de. Je suis commentateur sportif de foot, bien entendu, je suis fan de foot, etc. J'ai essayé d'envoyer mon gamin faire du foot, bien entendu, hein, voilà, c'est ma passion. Et bon, au bout de deux fois, mon gamin, il a dit, j'y vais plus, les types me parlent pas, ils me font pas une passe, etc. Et puis, le type était vraiment ignoré, quoi. Et c'était, j'étais ignoré par des nègres. Et là, à côté de Pierre Ménès, tu as une espèce de grosse putain à nom polonais, une espèce de Sidalski, tu vois, Sida, une espèce... En général, d'aucuns pourraient te dire, oui, mais elle est peut-être juive, ou je sais pas. Alors, je pense pas, ils pourraient te dire non, ça. Non. En général, quand tu as des nanas ou des mecs avec des gueules d'arien, c'est blancs aux yeux bleus, qui sont cons comme des balais, qui racontent de la merde à n'en pas finir, alors, en tout cas, sur la télévision française, à 80%, c'est des Polonais. Hein, et là, ça n'a pas loupé. C'est du Sidalski, le truc. Hein. C'est du Sidalski. Et elle te dit, oui, non, mais si les nègres ne parlaient pas à ton gamin, voilà. Bon, mais écoute, c'est peut-être normal parce que dans le reste de la société, ils sont discriminés. Non, mais déjà, les analyses sociologiques, je veux dire... Voilà. Les analyses sociologiques des putains polonaises, excusez-moi, je préfère encore écouter des nègres baragouiner dans leur langue originelle, c'est-à-dire qui est de l'onomatopée en fait. Hein. Si un blanc avait dit exactement la même chose, mais pour un club d'échecs, hein, à savoir que effectivement il est très difficile pour un noir, un petit noir, de jouer aux échecs avec des petits blancs, je pense qu'elle aurait dit exactement le contraire. Là, moi je ne vois que la négrolâtre qui parle. Hein. Tout à fait, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Alors en tout cas, ce qui est bien avec cette affaire, c'est que, ça c'est super, c'est qu'en fait, le fond du dossier c'est quoi? C'est que, après avoir pendant 30 ans, essayer à toute force, bien sûr, d'imposer l'immigration, quoi, mais de nous avoir fait croire à l'utopie post-raciale, justement. Voilà, plus on va faire venir d'immigrés, plus la question raciale va s'effacer, parce que les Blancs vont s'effacer, étant entendu que le racisme est généré exclusivement par les Blancs. On arrive au phénomène exactement inverse, c'est-à-dire que même au sein de l'antiracisme aujourd'hui, il y a une volonté de plus en plus affirmée. Une volonté d'affirmation raciale de plus en plus claire, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui ouais. transparaît avec Thuram. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, faites sortir la question raciale par la porte, elle va revenir par la fenêtre. Tu remarqueras qu'on est à peine à un an de la victoire de la Coupe du Monde de football par l'équipe de France. L'équipe de France menée par l'espèce de Dean Smith français qui est Didier Deschamps. Le type a dressé des nègres voilà, pour faire des otaries qui font des alors, gens. Oui, je suis pas persuadé qu'il pense comme Dean Smith. Écoute. Ah non, parce que pour une simple raison, il est. Regardez avec toute l'affaire, l'histoire des PD dans les stades. Là. Enfin, il y a très peu de PD dans les stades, mais de la propagande pro-PD dans les stades. Qui vire d'ailleurs, ça y est, le Gret. Je m'appelle pas Gandalf pour rien, je fais des prophéties. Hein. Je veux dire, le Gret a. Le Gret a sifflé ce la fin. PD de le Gret. Non, il a sifflé la fin de la récréation. Non pas de son propre fait. Hein. Je veux dire, si ça avait soufflé dans le vent contraire, il aurait suivi. Mais les supporters sont tellement en furie, les clubs sont tellement en ébullition, que le mec a dit bon, maintenant, les suspensions de trucs, on le fera plus. Il a dit. On ne donnera pas de consignes pour suspendre les matchs. Oui, non, mais là, ouais, c'est là, à Nice, les mecs contrôlés comme des malades. Hein, bah voilà, mais ça va se généraliser. C'est génial. Quoi. Donc en fait, alors moi, vous connaissez Macron, vous connaissez ce lobby de PD de merde, vous connaissez les Juifs, etc. Ils vont en mettre une couche. C'est pas fini cette histoire. Mais Deschamps a cru utile de sortir sa fraise pour dire. Oh, mais quand même, les propos anti-homosexuels. T'as pas vu le numéro de Marlène Schiappa chez Bourdin? Ah oui, quand elle explique la. Oui, alors quand même, oui, la sodomie. Ah ouais, non, putain. Oh, c'était magique. En fait, elle valide ce qu'on a dit souvent ici. À savoir que oui, parce que si. Être en culeur, ce n'est pas être homosexuel, donc c'est peut-être homophobe potentiellement. Par contre, traiter quelqu'un d'enculé, vu que c'est passif, c'est beaucoup plus homophobe. C'est ça. Et c'est dans tous les cas homophobe. Il y a le rapport de domination, bien sûr. Oui, bien, Mais dans tous les cas, ça pue la merde. Non, mais juste un instant, je veux dire. Comme si le fait d'enculer quelqu'un n'était pas lié au fantasme de la domination. Hein, on se demande vraiment qui a sorti ce truc-là. Faut vraiment, venir, on est bien d'accord, quoi. Bon. Et Marlène Schiappa, elle a jamais pratiqué la sodomie? Oula! Oula! Et si elle a pratiqué, si elle a pratiqué la sodomie, pardonnez-moi. Non, mais non, parce que, attends, c'est une, vous allez me dire que je suis obscène. Marlène Schiappa écrit des bouquins porno, hein. Elle écrit des bouquins, si ce n'est pornographique, au moins érotique. Bon. Si elle pratique la sodomie, n'est-ce pas lié peut-être à un fantasme de soumission, etc. Bon, je vais pas creuser trop, mais bon. Alors quand elle passe à la télévision, on peut se dire ah oui, mais quand même, ceux qui se font tuer, putain. Alors pour le coup, je pense que c'est son homme qui pratique la sodomie. Voilà. T'as vu le bonhomme? Tu crois qu'il est viril, ce mec-là? Oui, non. Ce type-là est bourré d'ostrogène. Il pourrait bosser dans un magasin, magazine. Ah, pardon. Par contre, j'imagine très bien. Il pourrait bosser à BuzzFeed. J'imagine très bien Schiappa avec un gars de ceinture en train d'enculer son mec. Ça, je l'imagine tout à fait, ça. Moi, c'est pas que je l'imagine. Tu le sais. Je n'imagine pas le contraire, en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, on a un peu dérivé. Là, oui, on s'est fait plaisir. Après tout, allez, on peut se faire plaisir. Mais oui. Vous avez vu. Alors, en fait, par contre, ce qui est très intéressant, à la fois sur l'homosexualité. D'ailleurs, Thuram cite dans son article dans la presse italienne, il cite l'homosexualité comme un exemple à suivre pour les questions de racisme. Vous voyez bien que le football est au centre de la propagande du système. Hein. Ils savent que les stades sont un enjeu. Et je vous avais dit qu'ils allaient se casser les dents sur l'homosexualité dans les stades. Que sur le racisme, on pouvait faire tout passer parce que les joueurs sur le terrain sont des nègres ou des arabes. Il y a pas que, il y a des blancs aussi, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs. Magda va peut-être nous faire un petit aparté sur cette histoire de répartition raciale en Europe, là, brièvement. Mais c'est évident que, si vous voulez, comme il y a beaucoup de joueurs noirs, la propagande antiraciste va prendre. Parce que vous avez beaucoup de supporters qui aiment tel ou tel joueur noir et ils vont dire bah ouais, on va quand même pas siffler, insulter les joueurs noirs de notre équipe, etc. Ça rime à rien, etc. Bon. Et en même temps, c'est une question de cohérence. Hein. Bon, si vous soutenez un club et qu'il y a des noirs dedans, à un moment donné, bon, vous n'allez pas les insulter. Enfin, ça me paraît. Voilà. Ou alors, vous ne rentrez pas au stade, c'est bien entendu. Sur la question des PD, excusez-moi, c'est pas marqué sur leur tête quand ils jouent au foot. D'accord? Donc, c'est très différent. Et ça n'a pas pris. Et évidemment, quand on a voulu interdire aux Marseillais de dire PSG enculé, enculé, ça n'a pas pris. Ah ben ils ne savent pas comment faire. Enfin, je j'en avais peut-être parlé les fois d'avant, mais bon, moi, quand j'étais plus jeune, oui, ça, très jeune, ça. J'allais au stade, quoi. Et, putain, c'était bon. Déjà, t'as une espèce d'ambiance de dingue. Et tu insultes le monde entier, quoi, quand t'es là. C'est le but. C'est une merveille, quoi. C'est merveilleux, quoi. Alors, avant qu'on passe au sujet suivant, cher MacDav, toi, la répartition des équipes t'a choqué ? J'ai regardé vu un match, je crois, cette semaine. Un match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde entre l'Espagne et la Roumanie. Donc, c'était jeudi dernier. Et j'étais excessivement surpris. Il n'y avait pas un noir sur le terrain. Ah. Pas un noir. La sélection espagnole était à 100% blanche, alors peut-être qu'il y avait des métèques sur le banc, hein. Ouais. Mais je me demandais bien dans quel pays ça se passait, à quelle époque, est-ce que c'était une rediffusion des années 80. Pas un putain de noir, ça jouait assez bien d'ailleurs. Qui a gagné du coup? Qui a gagné, l'Espagne? L'Espagne 2-1, mais les Roumains sont assez bien battus. Ouais. Ils ont fini à 1. Oui, enfin bon. Mais j'ai vraiment été surpris parce qu'il y avait plus de blanc avec un profil un peu, on va dire, slavo-nordique, enfin, je vais en faire tiquer certains, mais on va dire des blonds, comme il y en a beaucoup dans les Balkans, il y avait plus de blonds dans l'équipe de Roumanie que dans l'équipe de France, enfin, largement plus, c'était même incomparable. De manière, l'équipe de France, c'est que des nègres. Et là, moi qui suis tout le temps, en tout cas très souvent en train de maudire les Espagnols pour le fait que Franco nous ait envoyé toutes les poubelles de son pays en France, force est de constater que en tout cas au niveau footballistique, il y a une certaine sélection aristocratique au niveau de l'équipe nationale. C'est-à-dire que on ne va pas foutre du nègre partout. Pas comme la France. On met des nègres qui cavalent dans tous les sens. C'est l'occupation de la Rhénanie. C'est odieux. Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est mangin, quoi. J'ai dit Jan Smith. C'est la force nègre. C'est vrai que Deschamps est plutôt mangin. Hein. C'est plutôt ça. et c'est même pas plutôt ça, c'est exactement ça, en fait. Hein. L'Espagne, pour le coup, ça fait des années que j'ai souvenir de milieu de terrain. Naturalisé, une espèce d'équatorien, je crois, ou brésilien, je sais pas, oui, qui était vrai, Marcos Senna, qui était demi-nègre, etc. Qui était d'ailleurs pas mauvais au niveau technique, mais c'est vrai que depuis lors, il y a une dizaine d'années ou plus même, ça reste très propre, hein, l'équipe d'Espagne, hein, au niveau footballistique. Ça reste très propre. En tout cas, comparé à ce que. Au complot contre l'humanité qu'est l'équipe de France de football, ça n'a rien à voir. Une déclaration de guerre à l'humanité. Une déclaration de guerre. Tu vois, quand tu as une espèce de blondasse, comme la polonaise qui a fait son numéro de soumission face au gros Ménès, il faut aller jusqu'au bout du truc. Il faut expliquer quelles sont les différences raciales qui ont lieu notamment à l'adolescence. Hein, parce que si les blancs effectivement se font exclure des équipes, c'est qu'ils sont beaucoup moins physiques que les nègres, mais c'est pas parce qu'on est un joueur physique qu'on est un bon joueur de foot, hein. La preuve, regardez Griezmann et compagnie, et parce qu'il y a des différences raciales, et parce qu'un nègre à 13 ans, bah c'est formé, quoi, hein. C'est quasiment à taille adulte, parce que ce sont des êtres plus raffinés, donc ils maturent beaucoup plus vite. Mais une fois qu'ils arrivent à maturation, ça n'évolue plus. Hein, c'est foutu. Phénomène de stagnation, hein, on le sait. Ça. Exactement, et c'est ce qui se passe dans les équipes. Alors il y a un tribalisme absolument monumental, qui d'ailleurs, c'est pas uniquement tous contre les blancs. Hein. Alors ça, c'est le cas quand il y a encore des blancs. Mais supprimer les blancs, et puis voir... Les nègres qui se tapent contre les arabes Les africains, les africains contre les antillais, alors c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand tu vois Thuram et Diallo être d'accord sur la défense de la race noire, c'est contre les blancs. Diallo a certainement des ancêtres qui ont vendu les ancêtres de Thuram. Hein. Non, mais ils peuvent pas se saquer, c'est ça qui est génial, tu vois. Mais oui, c'est du foutage de gueule, leur truc. Ouais, bon, En fait, avec les nègres détestent les nègres. Les nègres se détestent eux-mêmes. Non, mais le problème, c'est que en même temps, tu vois, tous ces nègres là qui sont en train de jeter là-dessus, ce n'est que pour une seule raison. Les blancs parlent comme des victimes avec ce logiciel antiraciste. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le logiciel antiraciste. Ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas s'affirmer racialement. Donc ils sont constamment dans le recul, le déni d'eux-mêmes, ils doivent s'expliquer. Non ! Le jour où les blancs diront « On est en Europe, on est blancs, c'est nous les maîtres, fermez vos gueules, vous les nègres », et qu'on leur parlera comme ça, pas autrement, comme ça, les nègres fermeront leur gueule. Et s'ils ouvrent leur gueule, ils sauront que ça ira au clash. Le jour où il y aura des blancs qui parleront comme ça, ils baisseront d'un ton. Parce que d'abord, ils comprendront ce qu'on leur dira, et deuxièmement, ils sauront qu'il y aura des conséquences à leur provocation. Voilà. Tant qu'ils ont des serpillères qui sont en train de geindre, là, parce que même la thématique du racisme, il y a une haine anti-blanche, ça c'est inévitable, enfin, il y a un racisme anti-blanche, c'est tout à fait clair. Mais si c'est pour dire, là, comme les baltringues à la solde des juifs, là, de l'Olra, là, le machin truc contre le racisme, tant qu'il y aura des machins comme ça pour geindre, comme des juifs, en disant « Ah, mais on est des blancs, on est des victimes, comment voulez-vous inspirer le respect ?» Putain, faut foutre les jetons à ces gens-là. Et on ne leur foutra la trouille que quand on s'assumera comme des patrons chez nous. Mais bien sûr, mais oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand Touram a dit « Les blancs se pensent être supérieurs et croient l'être », mais malheureusement, ce n'est pas le cas, mais pour nous, c'est le cas. Oui. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, nous vous sommes supérieurs, sans aucun problème. C'est une évidence. Non, mais en plus, c'est une évidence pour la terre entière. Hein. Demande à un chinois. Ça, c'est clair. Hein. Demande à un chinois ou à un japonais ce qu'il va te répondre. Mais c'est même pas. On n'a pas à discuter avec les nègres pour leur dire, ouais, on va vous prouver qu'on est supérieur. On s'en fout. Les faits parlent pour eux-mêmes. On n'a pas besoin à discuter avec ça. Mais ce que je veux dire. Tu penses être supérieur et tu crois l'être, du coup, c'est ça, hein? Non, mais tout ça pour dire simplement que ce qu'il faut, c'est libérer les blancs du carcan mental juif qu'ils ont dans la tête, qui est cette espèce de culpabilité blanche qui sort de nulle part, enfin qui sort de la synagogue, et de l'école du crime juive qu'est le marxisme, de libérer les blancs de ça et qu'ils s'affirment. Voilà. Dernier sujet de notre discussion de cette semaine, et ensuite on se séparera pour aujourd'hui. On bascule totalement, on va sur autre chose, mais on va faire un bilan économique de la plus belle génération qui est poser le pied sur le territoire français et plus généralement en Europe et en Occident. Les boomers. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit du bien de ces gens, qui sont aussi par ailleurs nos parents ou nos grands-parents, c'est selon. Alors j'ai appris, j'ai découvert des choses. Hein, alors, et notamment cette semaine, qui ferait l'effet d'une bombe nucléaire, c'est les chiffres du nombre d'affiliés à la sécurité sociale. Oui, alors ça n'est pas n'importe qui nous a... lâchez ça, c'est un magistrat. Hein. C'est un magistrat spécialiste en fait des questions fiscales, etc. Enfin, c'est un... Et d'ailleurs, qui est un consultant auprès du gouvernement. Bon, alors voilà. Donc, il s'appelle Prats. Charles Prats, ouais. Prats, ouais. Donc, il est un magistrat spécialiste de ces questions. Charles Prats, magistrat en charge de la coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques au ministère des Finances de 2008 à 2012. Bon, c'est quelqu'un qui connaît le sujet, quoi. Hein. Bon, voilà. Les finances, le budget, etc. Bon, il connaît. Alors, le Figaro a réalisé un entretien avec cet homme-là. Et voici ce qu'il nous dit, c'est absolument sidérant. Alors je cite, hein, je lis et ensuite on va en parler. Alors pour le magistrat, les résultats de la dernière mission d'enquête parlementaire sur la fraude sociale sont particulièrement inquiétants. On y apprend notamment que l'administration comptabilise officiellement, alors là accrochez-vous, hein, 3,1 millions de centenaires réputés en vie, alors que le dernier recensement en dénombrait 21 000 en France. Donc là on parle du registre de la sécurité sociale, hein. C'est pas un fichier paumé quelque part, c'est la base de travail de la sécurité sociale. Officiellement, dans ce registre de la sécurité sociale, 3,1 millions de centenaires en France. Figaro vote. Alors ça procède par question. Le Figaro l'interroge. Le nouveau rapport parlementaire sur la fraude sociale semble beaucoup plus inquiétant que celui rendu en juin dernier par le sénateur Van Leerenberg. Il vient de par chez toi, cher Fulbert. Pourquoi ces contradictions ? En décembre dernier, le public découvrait ce que nous dénoncions depuis des années, la fraude au numéro de sécurité sociale à l'aide de faux documents. Cette fraude concernait les numéros attribués aux personnes nées à l'étranger. Les investigations menées en 2011 par le ministère du Budget avaient permis d'évaluer à 1,8 million de numéros de sécurité sociale frauduleusement obtenus. Ce qui représente environ 14 milliards d'euros annuels d'enjeux potentiels. Cette information, largement reprise, avait d'ailleurs été très fortement contestée par les tenants de « y'a pas fraude », en hashtag quoi, en matière de prestations sociales. Une mission spéciale avait été diligentée par le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale de la Commission des affaires sociales du Sénat. Cette mission a bien rendu un rapport en juin dernier qui conclut globalement sur le caractère très subsidiaire de ces fraudes. Il suffit pourtant de lire attentivement ce document pour constater qu'il ne tire pas les conclusions de ses propres découvertes. 56,4% des numéros de sécurité sociale attribués à des personnes nées à l'étranger ont touché des prestations sociales dans les 12 mois précédents. Donc plus de la moitié quoi. Rapporté au stock, cela signifie que 11,9 millions de personnes nées à l'étranger ont été bénéficiaires de prestations sociales sur l'année, alors que le recensement INSEE et les chiffres relatifs aux retraités à l'étranger permettent d'estimer à environ 9,5 millions grand maximum le nombre de personnes pouvant correspondre à ce critère. Mis publiquement face à ces contradictions dans un article du Figaro, le sénateur publiait une deuxième version de son rapport expliquant que son échantillon représentatif se basait sur un stock plus réduit. Il publiait sa propre estimation en laissant apparaître un surplus de 1,5 million de personnes nées à l'étranger ayant perçu concrètement des prestations en plus de celles existant réellement selon les instituts statistiques. Mais n'en tirait aucun enseignement. Il était impensable d'en rester là, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de nommer la sénatrice UDI Nathalie Goulet, qui est juive, hein, et la députée LERM Carole Grandjean en mission pour faire la lumière sur ce sujet et plus globalement sur la fraude aux prestations sociales. Alors, le Figaro pose la question, quelles sont les principales découvertes de ce rapport, de ce nouveau rapport ? Cette mission, au cours de laquelle j'ai été auditionné, s'est donc notamment attachée à effectuer le simple contrôle de cohérence, méthode d'audit de premier niveau, qui consiste à comparer le nombre de numéros de sécurité sociale existants dans le système, pour des gens censés être en vie, avec le nombre de personnes existant réellement au regard des données de recensement INSEE. Les premiers éléments obtenus par cette mission dévoilée ce 3 septembre 2019 sont particulièrement inquiétants. L'INSEE a en effet très officiellement indiqué aux parlementaires que le répertoire national d'identification des personnes physiques comportait 84,2 millions d'identités correspondant à des personnes réputées en vie, alors que le recensement fait état de 67 millions d'individus dans le pays, nés en France ou à l'étranger. Donc 84,2 millions recensés vivantes pour la Sécu, 67 millions recensés par l'INSEE. Recensement, quoi. Sur ces 84,2 millions de numéros de sécurité sociale, 18,7 millions sont nés à l'étranger. Et donc, 65,5 millions sont nés en France. Or, le recensement INSEE nous apprend que seulement 7,9 millions de personnes nées à l'étranger sont sur le territoire français, et donc 59,1 millions de personnes nées en France sont de même sur le territoire. Globalement, les données transmises par l'INSEE à la mission d'enquête ont donc permis de constater que 6,4 millions de numéros de sécurité sociale de personnes réputées en vie et nées en France correspondraient à des fantômes, sans aucune explication à ce stade. De même, environ 9,5 millions de numéros de sécurité sociale de personnes réputées en vie et nées à l'étranger apparaîtraient en surplus par rapport au nombre de personnes nées à l'étranger devant être dans le système social. Donc en fait, il y a pratiquement 10 millions d'étrangers en trop à la Sécu. Sans explication. Voilà. Ces incohérences voilà, là après il rentre dans le détail. Le Figaro pose la question. Ces incohérences pourraient-elles être simplement des conflits de données administratives ? Dans quelle mesure cela relève-t-il d'un potentiel frauduleux ? Réponse. Un autre exemple démontre l'étendue du problème. La mission s'est également attachée à enquêter sur le cas des personnes centenaires dans le système social français. L'INSEE a indiqué aux parlementaires que la France comptait 3,1 millions de centenaires réputés en vie, 1,5 million de centenaires nés en France, ainsi que 1,6 million de centenaires nés à l'étranger. Le dernier recensement faisait pourtant état de 21 000 centenaires vivant en France. L'INSEE a indiqué aux parlementaires que la transmission des actes de décès pouvait être compliquée pour les personnes nées à l'étranger, dont acte, cela concerne donc globalement 1,6 millions de centenaires. En revanche, concernant les personnes en France, l'INSEE a indiqué que le système fonctionnait très bien, avec une mise à jour hebdomadaire des actes de décès qui seraient parfaitement transmis par les communes. On espère que nous n'avons pas 3 millions de centenaires percevant retraite et prestations, mais il faut avouer que se pencher sérieusement sur la gestion du fichier social eu égard à ce scoop révélé par l'enquête parlementaire semblerait utile. Alors, à un moment donné, on lui pose la question, combien ça pourrait coûter ? Alors donc, il parle du contrôle. Ce contrôle devient indispensable, et cette mission parlementaire vitale à l'heure où l'on parle notamment de réforme des retraites et donc de baisse des pensions des retraités français, puisqu'il vient d'être démontré que le doute existe pour 17 millions de numéros de sécurité sociale, soit 20% des identités du système social national, qui distribue plus de 700 milliards d'euros chaque année. Chacun peut dès lors calculer l'enjeu financier annuel potentiel de dépenses indues de sécurité sociale si une part significative de ces numéros zombies perçoivent des prestations. Alors on lui demande, y a-t-il une solution concrète ? Seul un passage à la biométrisation des numéros de sécurité sociale avec obligation pour tous de se réimmatriculer peut permettre de gérer ce problème efficacement et à moindre coût. La technique existe et peut même s'appuyer sur la blockchain. Frauder, c'est voler. Celui qui fraude doit être sanctionné. Mais pour cela, il faut le détecter. La remise à plat des numéros de sécurité sociale est une étape indispensable pour cela. Donc ça, c'est Charles Prats, le magistrat donc, qui a officié auprès du gouvernement en fait, pendant plusieurs années, qui s'exprime. Vous avez les chiffres. 700 milliards d'euros, ça c'est ce que donne... Alors, 700 milliards, c'est le total de la sécurité sociale. Mais il y a 20% d'affiliés qui sont indus, 10 millions à l'étranger, et la moitié, au moins 1,5 million de centenaires à l'étranger. Oui, alors il faut savoir que dans le monde, sur le planisphère, là, sur la Terre, il y a 300 000 centenaires recensés. 300 000. La France. Et selon la sécurité sociale, en France, il y en a 3 millions. Donc, les chers amis, posez-vous des questions. Tu t'es trompé. Tu as dit en France, il y en a 3 millions. Non. Dans le système de sécurité sociale, il y en a 3 millions, dont la moitié est située en France. Oui, parce qu'il est possible que des gens ont été déclarés décédés. Et que les numéros de sécurité sociale existent toujours dans les fichiers. Non, parce que c'est ce qu'il a expliqué. Ils ont interrogé, ils ont posé la question, ils ont dit « Mais comment se fait-il ? Il y a une erreur de votre part ?» Et ils ont expliqué « Non, non, le système d'enregistrement des décès fonctionne très bien à la sécurité sociale. » D'accord, donc c'est certain, c'est pas un bug. C'est pas un bug. C'est-à-dire que c'est connu, de toute manière, ces gens-là viennent se faire soigner quoi qu'il arrive. Et il y a un business en ce qui concerne les médicaments, voilà. Et ça s'élève sur toute l'Afrique à plusieurs milliards d'euros. Alors, si tu veux, il y a une fusée à plusieurs étages dans cette affaire-là pour moi, je vais vous dire. Simplement, après je te donne la parole, Magda, excuse-moi, mais c'est une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y a de la fraude à l'étranger, donc en gros en Afrique, et il y a de la fraude en France. Et le ministère est forcément au courant. Le ministère de la Santé ne peut pas. Ne pas voir, quand ils ont un fichier comme ça sous le nez, dire il y a 3 millions de centenaires en France et on paye pour ces gens-là. N'importe qui le voit, ok ? Donc ils le savent, c'est dans leur truc. Donc ils laissent ça courir parce qu'il y a une énorme escroquerie qui est en cours. Simplement, hein, donc je pense que. Et donc ils le disent, hein, c'est moitié-moitié. Il y a moitié de centenaires, il y a 1,6 million de centenaires à l'étranger. Là, ils peuvent en fait se défausser, ils peuvent dire « Oui, ils sont là, mais est-ce que les déclarations étaient bien faites, etc. » Oui, pour 1,6 million, oui, tu reviens voir. Hein. Et 1,5 million en France, où là, quand on a demandé au service de la sécurité sociale « Mais comment vous ne savez pas enregistrer les trucs ?» Ils ont dit, enfin l'INSEE, « Vous ne savez pas enregistrer les décès, etc. » Ils disent « Si, on sait très bien. » Donc là, tu sens déjà que les services sont en train de se tirer dessus les uns sur les autres, parce que personne ne veut prendre la balle, parce qu'il y a une balle, qui va arriver avec ça. On peut pas laisser courir 3 millions de centenaires dans le système, c'est impossible. Oui, on est en train de sortir la patate chaude. Hein. On sent quand même l'excellence du service public. Hein. Non, mais c'est plus grave que ça, c'est plus que de la négligence. Là, il y a une escroquerie Là, c'est du terrorisme. Oui, on est sur des sommes qui oui, puis sur des décennies. Vont au-delà du... Au-delà des décennies, et puis on est sur des en quantité, des sommes qui vont. C'est centaines de milliards, je pense. Qui sont de l'ordre du déficit français au niveau de son budget. Ouais. Oui, voilà. Oui. Ben, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est extraordinaire, hein. Et vous avez remarqué, ça fait quelques articles, ça fait un article dans le Figaro, alors que ça nécessite... Oui. Pour moi, ça devrait faire 3, 4, 5 millions de personnes dans les rues, un truc comme ça. Et c'est là que je voudrais alerter nos auditeurs, bon, ceux qui sont déjà très conscients de questions raciales et compagnie, enregistrer ce que nous disons, prenez les articles qui ont été publiés dans la grande presse et chez nous, hein, vous pouvez les retrouver chez nous, à ce sujet, parce que c'est de la bombe atomique. Hein. Si vous voulez convertir des gens à notre cause, passez par là, quoi, clairement. Oui, alors, moi j'évoquais une possible erreur, parce que le chiffre, quand j'ai vu l'article, m'avait vraiment paru trop énorme. C'était vraiment conséquent. Et forcément, j'ai vu, connaissant un petit peu l'administration française, je sais que des fois, elle a un petit peu du mal à croiser les fichiers. Mais tu peux pas le faire en France. Il y a certains dossiers, tu ne peux pas les croiser. Un exemple type, Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait voulu croiser les fichiers de la CAF avec ceux des cartes grises. Hein, et voulait voir un petit peu... quels étaient les bénéficiaires du RSA qui avaient des bagnoles de plus d'un certain nombre de chevaux fiscaux, hein, ce qui permettait effectivement de déceler d'éventuels dealers. Ça a été interdit, évidemment. Hein. Oui. Alors je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si la CNIL a été créée, mais c'est très difficile de croiser certains dossiers en France. Je pense que c'est une spécialité algérienne. Je pense qu'il faudra aller voir en Algérie. En Algérie, plus on avance dans le temps, plus les moudjahidines, les combattants de la liberté qui bénéficient de pensions, sont nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à quelque chose comme 2 millions de bénéficiaires de pensions d'anciens combattants, alors que quand on a quitté, c'est comme grand maximum quelques dizaines de milliers de combattants, quoi. Parce qu'on on les avait liquidés pour la plupart d'entre eux. Maintenant, il y a une armée de millions de combattants. Hein. Mais tout ça, alors là nos auditeurs peuvent méditer. Hein, sur ce 1, 2, 3, vivra l'Algérie power. Ah, bon, c'est des gens, si vous voulez... C'est des centaines de milliers de centenaires quoi, qui sont au crochet de la sécurité sociale avec l'aval des dirigeants politiques français. Ils le savent tous. Hein. Droite, gauche, tous ces types se sont succédés au pouvoir. Ils le savent. Ils savent tout. Ils savent tout sur vous. Ils savent même la couleur de vos slips. Ils savent tout. Ils savent tout. Vous pouvez pas avoir 100 euros de retard sur votre fiche d'impôt. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et ils voient pas 3 millions de centenaires. Ils voient pas 3 millions de centenaires en plein milieu de leur fichier. Et ils voient pas 10 millions de types résidents à l'étranger qui perçoivent indûment des prestations. Ils voient rien. Allons. Donc ça veut dire que première chose déjà, au ministère de la Santé, ça pille les caisses publiques depuis des décennies. Je n'ose même pas imaginer. Les comptes en banque à Singapour, etc. J'ose même pas imaginer tout ça, parce que ça doit être absolument effrayant. Il n'y aura jamais d'enquête, parce que si jamais il y avait une enquête là-dessus, etc., ça serait tellement... Non, il n'y aura pas d'enquête, donc ça fera trois entrefilets. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, hein, vraiment, il faut qu'on fasse mieux. On va mettre un peu de biométrie, ça sera mieux, etc. Et vous avez entendu parler d'une enquête pour aller choper tous les mecs qui ont volé de l'argent. Je ne parle même pas des nègres, etc., mais des gros légumes. Oui. Des gros légumes du ministère. S'il y a de la biométrie en France, ce sera pour arrêter les gens qui disent des blagues racistes sur Internet. C'est hein, ça, voilà, c'est toujours la même chose. Alors, ils couvrent leurs arrières, ils en ont tous croqué, etc. Donc, voilà, ils se bâtissent des empires là-dessus. Bon. Deuxièmement, si on peut faire avaler à tous, et pratiquement devant le nez de tout le monde, parce qu'en fait, il suffit juste de demander les chiffres, en fait. Ils ont fait un rapport parlementaire, etc. Mais il suffit de les demander, les chiffres, on les a. Ils les avaient déjà avant, bon. Donc, si on arrive à faire avaler 84 millions d'affiliés à la Sécurité sociale pour 67 millions d'habitants, qu'est-ce que ça peut donner, d'après vous, sur les fichiers d'électeurs? D'après vous. Alors, vous ne pouvez plus faire confiance à aucune élection en France. Après cette affaire-là, vous pouvez plus. Vous ne savez pas, les morts votent. C'est garanti sur facture. Les morts votent. Il n'y a pas que. Ça vote, je suis sûr que ça vote au Mali. Ça vote au Niger. Ça vote partout. C'est ça la France. C'est une république bananière. Et il y a encore des connards qui vont dire « Ah oui, mais quand même, avec une stratégie de dédiabolisation, on va gagner les élections. » Vous allez voir. Oh, j'avais vu un article, mais larmoyant, je ne sais plus quel site, ça m'avait vraiment fait marrer, d'une brave moukère d'Algérie qui a remarqué que... Enfin, qui était pris de remords parce qu'elle avait touché pendant 3 mois la pension de son mari alors qu'il était, elle était décédée. Oh, elle avait décidé de rendre l'argent. Oh non. Oh là là. Alors là, je sens. Mais vraiment, non. vraiment. Ah, là, l'article de propagande, c'est le truc qui n'existe pas. C'est le canard sous. À 5 pattes. Rendez vos sous. Oui, c'est ça, quoi. Et vous savez, l'honnêteté de l'Algérienne qui est prise de remords. Ah oui, non. Vous savez qu'ils ont essayé de faire passer ça, ça a reculé, mais ils ont essayé de rogner les pensions de reversion des conjoints défunts, vous le savez, ça. C'est-à-dire que l'État est gagnant, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, qui meurt à 62 ans. C'est pas qu'ils ont essayé, c'est qu'ils, ça a été fait, Non, ils rognent, mais ils voulaient le faire de telle façon, parce que il la faisait sauter pratiquement, quoi. Alors que l'État est gagnant sur une pension de reversion. Parce que sur quelqu'un qui a cotisé toute sa vie et qui meurt, admettons, à 62 ans, 63 ans, bon, il touche pratiquement pas de retraite. La moitié va à son épouse ou à son époux, l'État gagne la moitié de la retraite, on est d'accord, il gagne 20 ans de cotisation, etc. C'est une bonne opération pour l'État, on est d'accord. Non, ils veulent encore la foutre en l'air. C'est quand même fascinant. Alors, ceci étant dit, venons-en, parce qu'on est en pleine histoire de réforme des retraites. Alors, parler de ça, bon, c'est le gouvernement, Macron joue le malin, mais il va pas aller jusqu'au bout, parce que cette histoire d'enquête parlementaire, ça va finir en autre boudin, mais je pense que Macron a voulu lancer cet obus, pour adoucir un peu la résistance en face de lui. C'est-à-dire, je vais commencer à balancer des obus, voilà, et en face, ils vont commencer à se regarder en chien de faïence, qui, quoi, comment, etc., et ils vont m'opposer un peu de moins de résistance, mais sachez une chose, ça n'ira nulle part, cette histoire d'enquête. Ils vont peut-être rentrer la biométrie, ceci étant dit, dans 5 ou 10 ans, peut-être, on verra. Alors, quelques chiffres sont sortis à la faveur de cette histoire de débat sur la fameuse réforme de retraite qui sera probablement purement symbolique. J'ai lu ça dans Les Échos. Je vous livre le chiffre. Donc ça tourne autour des histoires des donations. Alors il y en a Darmanin, qui, comme vous le savez, Darmanin est quart juif et quart kabyle. Quart juif et quart kabyle. Donc il est, hein, il est très cosmopolite. Alors il est ministre plus ou moins des finances. Hein, on fait semblant de l'être. Alors et donc il est cité. Alors on dit voilà. Alors, pour faciliter les donations, avec l'allongement de l'espérance de vie, les ménages héritent de plus en plus tard. C'est un peu le sujet, quoi, donc des échos, là, les questions d'héritage, etc. Et là, il y a cet entrefilet qui est très intéressant. En moyenne, en France, on hérite à 50 ans aujourd'hui, soit 8 ans de plus qu'en 1980. Et notamment, avec la hausse des prix de l'immobilier, les plus âgés sont désormais les plus riches. D'accord ? En 1986... le patrimoine net médian des trentenaires, donc c'est-à-dire des personnes qui étaient nées en 1956. Donc là, c'est juste les boomers, quoi. C'est la queue de comète des boomers, quoi. 46-56, quoi. Donc en 86, le patrimoine net médian des trentenaires était de 45% plus élevé que ceux des plus 70 ans, donc de leurs parents. 30 ans plus tard, aujourd'hui, il est 3 fois plus faible, selon une étude de France Stratégie. D'accord ? Donc, les trentenaires en 86, les boomers avaient 50% de plus que leurs vieux, niveau patrimoine. Aujourd'hui, le trentenaire, il a 3 fois moins que les mêmes boomers. Ses parents, quoi. Oui, on le voit, hein, à part certains qui peuvent arriver, ils font des études. Bah, il faut travailler plus. Oui, voilà, oui, ok. Faire des jobs absolument, enfin, qui sont vraiment pour le coup dans l'élite, hein. Tu l'as dans le cul, quoi, voilà, direct. C'est ça. Et puis t'as la croissance joue énormément. Bah l'inflation en plus, non mais c'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire que les types avaient des meilleurs revenus, etc. Ils ont acheté, ils se sont fait rembourser leurs biens immobiliers, ils ont pu acheter des résidences secondaires, etc. C'est devenu les rois de l'immobilier. Non. C'est moi, les rois de l'immobilier. Des taux réels qui étaient négatifs. Moi je connais un type qui a... couvrait c'est les intérêts. Donc. C'est ça, moi je connais un type qui avait des taux d'emprunt qui étaient élevés, tu vois. Mais il m'a dit, oui, mais avec l'inflation, en fait, j'ai emprunté à taux négatif. Type qui a 70 ans maintenant. Hein, ouais. Il a emprunté à taux négatif à l'époque. C'est ça. Bon, alors, d'ailleurs, maintenant, on se trouve là, nous, à acheter des capins. Enfin, moi, c'est ça. Bon, moi, c'est, si tu veux, je veux brûler ce pays pour ça. Quoi. C'est-à-dire que acheter des cages à lapins, une fortune, pour être entouré de nègres et de bougnoules qui pullulent de partout, des gens doivent payer pour ça. Des gens doivent payer. Oui, un Nuremberg du boomisme. Hein, Après. Ah, trop tard, ça va être comme les Khmer Rouges. Trop tard. Ouais, non, mais moi, je fais la distinction parce que dans le terme boomer, c'est pas qu'une question générationnelle. C'est une question générationnelle. C'est sociale. C'est très générationnel. Je veux dire, il y a une accumulation de richesses sur une génération et par ailleurs, en parallèle, une destruction culturelle sur la même période qui est juste hallucinante. Oui. Alors maintenant, juste effectivement, mais pour pimenter si un peu la discussion, permettez-moi juste de mettre un petit truc sur le truc. Alors on a parlé d'inflation. Et t'as parlé, dit bah ouais, en gros, en fait, j'ai été payé pour m'endetter en fait. Au final, c'est revenu à ça avec mon opération immobilière. C'est ce que disent les septuagénaires, les boomers. Je suppose que vous allez particulièrement apprécier les taux négatifs qui sont maintenant en place en Europe. Je pense que ça va vous plaire, ça, de payer pour déposer votre argent en banque. Ça va vous galvaniser, ça, pour vous constituer un patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est Lagarde, d'ailleurs, qui va... Non, mais c'est pas comparable, parce que là, c'est les taux nominaux qui sont négatifs. Avant, c'était les taux réels. Là, si les taux nominaux sont négatifs, ça veut dire que il y a une forme de déflation. Ah oui, mais totalement. Donc, enfin, elle n'existe pas parce que continuellement on rajoute des billets dans la machine, parce que les gens, en fait, les banquiers centraux ont peur de ça, ils ont peur d'une déflation. Et visiblement, l'hyperinflation ne leur fait pas peur parce qu'elle est contenue par la baisse des salaires. Mais on est dans des situations qui n'ont absolument rien à voir. Ce que je trouve dégueulasse, et là où effectivement je vais en mettre un petit peu dans la gueule des boomers, même si je suis plus mesuré que toi, c'est que ces gens-là ne veulent absolument pas sortir de l'euro, parce que justement une sortie de l'euro provoquerait de l'inflation et une baisse de leurs actifs. Donc ils étaient tout à fait d'accord de voir des dévaluations successives avec une monnaie faible qu'ils ont pu emprunter à des taux réels bas, voire négatifs. Ils ont pu se constituer un patrimoine, et maintenant, ils ne veulent absolument pas que ce patrimoine se fasse éroder par l'inflation et par la jeunesse. Bien sûr que c'est non. Ça que je trouve dégueulasse chez les boomers. Mais t'as vu, là, à Paris, on a dépassé les 10 000 euros au mètre carré en moyenne, parce que le prix a déjà été dépassé il y a bien longtemps dans certains arrondissements. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... Une fuite en fait des blancs encore un petit peu friqués de Paris vers les provinces, et là en province il y avait quand même il y a pas eu la bulle qu'il y a eu à Paris. Et je pense qu'il y a quand même quelques villes qui vont être touchées par la bulle suite à l'exil des Parisiens, ça c'est sûr. Donc si tu veux le en France il y a une forme de centralisation administrative. Et maintenant, tu vas avoir une centralisation immobilière. C'est-à-dire que à partir de Paris, la bulle, elle va se répercuter dans les grandes villes de province, et puis petit à petit, ça va passer à l'échelon inférieur, et ainsi de suite. Bah, le problème qui se passe aussi, si tu veux, c'est que maintenant, on a complètement changé d'époque. Enfin, en quelque sorte, c'est que Paris, maintenant, devient, si tu veux... parce que ce qui se passe, il y a un phénomène qui se passe qui est mondial. T'as parlé de déflation, de taux négatifs, notamment en Europe, ok. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens vont chercher à mettre leur argent quelque part. Si tu le mets à la banque, tu perds de l'argent, ok. Je parle pour les grandes fortunes. Bah, si toi, t'es un smicard et que t'économises 10 000 euros, si t'es en négatif à quelques dixièmes de pourcent, c'est pas important. Mais c'est une grande fortune, c'est un problème, tu comprends? Donc ces gens, ils vont chercher à parquer leur blé. Et c'est mondial. Donc, ils vont où? Alors, de toute façon, d'une manière générale, l'argent quitte l'Europe. Mais même au sein de l'Europe, le capital, il bouge, tu vois. Donc, comme ça se globalise, enfin, comme ces grandes capitales se globalisent totalement, et qu'elles sont pensées comme ça de plus en plus, rappelez-vous les propos d'Hidalgo et de son numéro 2, là, j'ai oublié son nom, enfin, il y avait Glucksmann, enfin, pas Glucksmann. Le PD, là, Julia. Ouais, enfin, de toute façon, il y a eu tout un discours là-dessus. Ils disent, bon, voilà, en gros, ils voulaient transformer Paris en Disneyland à PD. Mondial, j'entends, mondial. C'est-à-dire qu'en fait, les couples de PD, les couples de Fiat, pétés de thunes, de toute la planète, viendraient faire des week-ends en amoureux, entre guillemets, à côté de Notre-Dame, qui a cramé, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Voilà, et donc ils achètent des trucs. Alors les mecs, ils ont du pognon, et alors s'ils cherchent en plus à protéger leur à convertir leur cash en bien immobilier pour se protéger contre une déflation tendancielle, bah, c'est tout indiqué. Alors en revanche, le type qui veut habiter à Paris parce qu'il en a besoin, il peut pas. Et là, je suis d'accord avec toi. Et ce phénomène-là, par phénomène de capillarité, va forcément découler sur les autres grandes villes. Ça, c'est fatal. Mais ça, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Alors, c'est vraiment dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'en fait, les bobos de Paris achètent des appartements. Bon, alors, c'est vraiment des quartiers privilégiés. Hein. En fait, ils achètent dans les centres-villes de villes comme Bordeaux, Reims. Ouais. Rennes, beaucoup. Vu que Paris est invivable, pour des raisons raciales, ils investissent là-haut, en fait. C'est ça qui se passe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors. Ça va être. Alors, le phénomène de déflation dont tu parles est terrible. Et ça va. Pour moi, d'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité financière, vous voyez que c'est pas bon. C'est pas bon du tout en Europe. Et la politique monétaire qu'ils vont appliquer en Europe avec Lagarde, ça va être du violent. Ça va être très très violent. Et ça pousse le capital à foutre le camp. Aussi. Et pourquoi ça va être quoi la politique de la garde? De continuer les taux négatifs? Taux négatifs ad vitam aeternam. Voilà. Forcer les gens. Alors, il y a une mauvaise interprétation, parce que les marxistes, extrême gauche, ils disent ah là là, c'est pour piller les gens, etc. Le vrai objectif, en fait, c'est un objectif socialiste. C'est ça qui est marrant, c'est vraiment l'économie dirigée. Les mecs se disent on va forcer les gens à dépenser leur cash. C'est-à-dire qu'en gros. Le laisser dans les comptes en banque avec les taux négatifs, ça va faire s'évaporer la monnaie, en partie, quoi. Donc, on va pousser les gens à sortir leur argent de leur compte bancaire et à l'utiliser pour faire tourner l'économie. Voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, ils veulent relancer l'économie en rendant impossible l'épargne. Voilà. Ils veulent empêcher les gens d'épargner, en gros, parce qu'ils pensent que les gens sont trop frileux. Et voilà. Donc, ils veulent les forcer à dépenser. Ça, c'est le calcul de la Banque Centrale Européenne. C'était Draghi, machin. C'est ça le but des taux négatifs, en fait. Sauf qu'évidemment, le capital, il se casse. Il part. Il part, ou quand il part pas, quand il quitte pas l'Europe, il va vers des actifs. Il va vers des actifs, en fait. C'est-à-dire qu'il va se... Oui, c'est ça plutôt. C'est-à-dire que on dit souvent, enfin, l'inflation, c'est l'euthanasie de la rente. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Keynes. Mais là, il y a énormément d'argent créé. Ça ne crée pas d'inflation parce que la monnaie part dans les actifs et particulièrement dans l'immobilier. C'est pour ça que l'inflation se voit peu. Et quand les bulles éclatent, que ce soit sur le marché des actions ou localement dans l'immobilier, elle est tout de suite regonflée automatiquement. Donc l'argent ne se déverse pas dans l'économie réelle. Ça, en fait, c'est la politique monétaire actuelle, c'est du keynésianisme par et pour les riches. Les pauvres n'y ont pas droit. Oui, enfin, c'est aussi surtout pour l'État. Parce que c'est les dettes publiques qui sont en train d'essayer de maintenir à flot comme ça. C'est tout le problème qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils financent leurs dettes publiques comme ça. Les États sont financés comme ça. Les États européens, je veux dire. Les États européens sont financés comme ça, artificiellement, par la BCE. Et personne d'autre n'achète plus la dette européenne. Bah, les taux sont devenus négatifs sur 50 ans dans je ne sais plus quel pays. Oui, parce que c'est du délire. Ah oui, mais parce qu'il prête à gogo. Enfin, il vient, il rachète tout. Donc, si tu veux, il y a pas de prix en fait. Il y a pas de prix parce que c'est les acteurs publics rachètent tout. Donc, mais c'est pensé comme ça. Et donc, bon, c'est une catastrophe économique. Les gens vont bien le voir. Hein. Au bout d'un moment, ils vont bien le voir. Parce que eux pensent que les autres vont, les gens vont dépenser. Ils vont pas dépenser, ils vont cacher leur pognon ailleurs. Voilà. Mais tout ça est vraiment motivé par l'idée qu'ils peuvent empêcher la crise des finances publiques. Et une partie de la crise des finances publiques, une partie importante de la crise des finances publiques, s'explique par les prestations sociales. Et c'est les retraites, et c'est la sécurité sociale. Donc on en revient à ce qu'on disait, d'accord ? Là j'ai vu, alors vous savez, là Macron prépare sa réforme des retraites, d'apparence. Et alors Mediapart, bon journal de gauche, hein, ils ont dit, alors d'après les bases de la réforme, un type qui est né dans les années 90, par rapport à un type qui est né en 60, un type qui est né en 90, donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui aurait 29 ans, 30 ans, ne toucherait à son départ en retraite qu'environ 56% de son dernier salaire. Bon, au même âge de départ en retraite. Hein. Oui. Et comment dire alors qu'aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui est né en 60, qui va partir à la retraite dans 4-5 ans, c'est quelqu'un qui a 59 ans aujourd'hui, quoi, c'est quelqu'un qui partirait avec 73% de son revenu, de son dernier salaire. C'est déjà le cas des boomers, donc les gens qui sont nés en 46, 47, 48, etc. C'est des gens qui partent à peu près en moyenne avec ça. Il y a des exceptions, hein, mais en gros, c'est ça. Donc il y a une stabilité jusque dans les années 60. Et ceux qui sont nés dans les années 90 auraient 56% de leurs revenus. Alors, moi, je pense que ça, c'est sur la base de la réforme de Macron aujourd'hui. Mais vous connaissez les réformes de ce système parce qu'il est insolvable. C'est-à-dire que dans 10 ans, on en reparle et c'est pas 56%. Ça sera 42. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais tout ça pour dire qu'en fait, ils se disent il y a deux variables, c'est soit la durée de cotisation, soit l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce que ça change, le système est en faillite, je veux dire. Bah, il est destiné à la faillite, c'est un schéma de Ponzi. Ce n'est pas fait pour fonctionner à long terme. Donc, bah, bien sûr. C'est normal qu'ils soient déficitaires, c'est son schéma même. Alors juste, je vais donner peut-être un... Pour mesurer quand même un peu le problème. C'est les retraites des fonctionnaires en France. C'est les seules retraites des fonctionnaires. Hein. C'est un article du Figaro aussi, mais il date de 2014-2015. Budget 2015. Donc il cite un graphique. Hein. Le graphique montre utilement que les retraites du secteur public représentent, donc en 2015, hein, 25% de la dépense des retraites en France, alors que les retraités de la fonction publique ne représentent pas plus de 15% des pensions servies. Autre chiffre choc, 30% de la dérive des dépenses de l'État depuis 2006 sont dues aux retraites des fonctionnaires. Sur les 26 milliards, 1,3 point du PIB à l'époque, hein, d'augmentation des dépenses de l'État, 8 milliards ont servi à financer le système des retraites du public. Cette augmentation a été totalement financée par la dette. Dans le tableau qui est donné, d'autres données se font froid dans le dos. À l'horizon 2050, par exemple, selon le taux d'actualisation, le besoin en financement du système de retraite public devrait osciller entre 62 et 68 milliards d'euros. Un effort colossal à contenir pour une population très limitée. Sur l'ensemble de la période de versement estimé, donc ça c'est entre 2015 et 2050, hein, les retraites de la fonction publique représentent aujourd'hui un engagement total variant selon le taux d'actualisation de 1200 milliards à 1400 milliards d'euros. Autrement dit, l'État s'est engagé à verser à ses fonctionnaires une somme équivalente à 70% de la dette publique à titre des pensions. Donc ça, c'est juste la retraite des fonctionnaires. Ils ont, sur les 35 années à venir, sur les 30 ans à venir, là, plus ou moins à trouver, entre globalement, hein, plus ou moins, 1200 à 1400 milliards d'euros. Faut le trouver. Et c'est pas les autres retraités. Hein. C'est pas possible. Non, c'est absolument pas tenable. Or, s'il y a des boomers pensent encore que on va payer tout ça par l'importation de nègres... Ils le pensent. Et ça explique beaucoup les politiques d'immigration qui veulent pas assumer en public, parce qu'il faudrait assumer aussi la question de la faillite. Parce qu'il faudrait dire, ok, on fait venir énormément d'immigrés parce qu'on pense, sur la base d'un égale un, donc un Africain égale un blanc, même rendement, même productivité, on en fait rentrer un pour sauver le système de retraite. Si on dit ça comme ça, ça implique que le système de retraite est en faillite. Vous voyez ? Donc ça suppose tellement d'aveux que c'est pas tenable. Et on a quand même parlé un petit peu de la réalité des chiffres statistiques de la sécurité sociale, hein, avec enfin c'est quand même fou, hein. 10 millions de mecs à l'étranger qui sont inscrits à la sécu, qui touchent des trucs, on sait pas qui c'est, 3 millions de centenaires, la moitié à l'étranger, on sait pas qui c'est, c'est fou quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que le système, l'argent des gens, l'argent des travailleurs, enfin l'argent des Français, quoi, accumulé sur toutes ces dizaines d'années, il est totalement... Enfin, il est volé par une clique. On en verra... On en a perdu la trace d'énormément. Et le pays est en faillite. Et, je veux dire, franchement... Il faut inclure dans tout ça l'argent que nous coûtent les intérêts des... Et bien, c'est phénoménal, je pense que c'est quelque chose à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est complètement dingue. Alors, la mauvaise nouvelle pour les migrants, c'est qu'on les fait pas rentrer parce qu'ils sont beaux. Ils ont vocation normalement à payer pour ça. Sauf que ça, bon, on le sait que c'est pas possible, mais le système le croit. Oui, oui, et puis il y a l'idée aussi que. Vu que, bon, en ce moment, les gens qui dépensent sont, on va dire, des gens qui sont soit en début de retraite, soit en fin de carrière professionnelle. Ce sont eux qui mettent le plus d'argent dans la machine. Ouais. Alors, non seulement ils restent encore plus nombreux que la génération précédente, mais une fois que ces gens vont soit arriver en fin de retraite, soit passer l'arme à gauche, ces gens-là ne vont plus consommer. Donc, dans un système économique qui n'est basé que sur la consommation, il y a l'idée d'apporter du nègre pour qu'il consomme. C'est ça. Pour que la machine continue de tourner. Pour qu'il produise de l'urée et du gaz carbonique. Et du gaz carbonique, comme disait ce bon docteur. Le prix Nobel. Ouais. Non, non, mais voilà, donc... Et que fait Marine Le Pen d'une telle révélation? Non, c'est... Elle a retweeté au moins, même pas. Non mais c'est ça le problème, c'est le problème, c'est surtout qu'à droite, il y a une espèce de... c'est complètement aberrant en plus au plan électoral pour le Front National, il y a une déification du retraité. C'est la vache sacrée qu'on peut pas toucher. Oui, alors c'est ce qui est très très bête, parce qu'effectivement les retraités ne sont pas ceux qui votent le plus pour le Rassemblement National. Ah certainement pas, non, ça votait pendant très longtemps, ça survotait pendant très longtemps pour la droite affairiste. Donc le parti gaulliste, quoi, LR. Mais comme c'est crevé, LR, enfin que c'est plus une alternative crédible, parce qu'ils sont... Ça vote pour Macron. Ben non, c'est Macron. Et le grand débat, on l'a vu, vous vous rappelez, il y a eu des statistiques sur les participations au grand débat, etc. Ils ont dit, c'est... Non, ceux qui viennent, ceux qui assistent à ces trucs-là, c'est les retraités. Et ils posent des questions sur quoi? Sur leur retraite. Et ces gens vont voter. Vous savez, ils sont toujours à jour de cartes d'électeurs, t'sais. Ouais, bien sûr. Bah, regarde quand Macron a essayé d'enfumer le peuple là avec ses histoires de grands débats. Bah ouais. Alors évidemment, ils ont sélectionné le plus de jeunes possible, mais c'était des vieux. Tu c'est n'avais ça. Que des vieux retraités qui s'intéressaient à ça. Non, non. Donc le profil type du mec qui se fait fumer sur toute la ligne hein, en France aujourd'hui et qui le sait pas, qui pour l'essentiel ne le sait pas, c'est un type qui a entre 25 et 30 ans. Qui est totalement dépolitisé et dont l'horizon consiste grosso modo à vouloir légaliser le shit. Voilà. Ce mec-là n'a pas compris qu'il est mort économiquement. Il n'a pas compris que c'est un zombie. Il est fini. Il l'a pas vu. Oui, oui. Non, il a pas vu. Bah, c'est ce qu'on appelle un PNJ. Hein. Voilà. Une personne non joueuse ou un personnage non joueur. Un personnage non joueur. Ouais. Et en fait, lui, si tu veux, il est tellement dans le quotidien qui est fait de sorties au bar, de soirées shit et jeux vidéo, il est maintenu dans un mode de vie d'adolescent, enfin d'adolescent comme on dit maintenant. Ouais. Il a une projection qui est quasi nulle. Enfin, je veux dire, il faut voir le truc. Hein. Et déjà, il a du mal à trouver une gonzesse potable. Acheter pour lui, il a abandonné l'idée. Donc il va devoir payer un loyer toute sa vie parce que l'argent est peut-être gratuit et enfin gratuit. L'argent est négatif peut-être, mais on emprunte quand même de plus en plus difficilement. Et les gens qui ont immobilier sont quand même, il faut le dire, les choses de plus en plus tatillons sur les conditions de location, alors que le marché du travail n'a globalement jamais été aussi précaire pour les jeunes. Donc il y a une forme de contradiction, c'est que le vieux boomer qui a pu réussir, parfois par son travail, c'est pas ce que je dis, à accumuler de l'immobilier et à vouloir le faire fructifier, si jamais il paye quelqu'un à coup de SMIC et en CDD, bah, cette personne ne pourra même pas lui louer son bien. Donc, heureusement qu'il existe les APL qui pourront sécuriser ses biens et ses rentrées de fric. Les APL, il faut le répéter, ne favorisent pas la jeunesse. Non. Les APL favorisent les vieux rentiers qui ont l'immobilier. C'est ça. Ça aussi, il faut que les jeunes le comprennent, ça. Il serait vraiment temps qu'ils se foutent ça dans le crâne. Et là, l'obscénité, c'est quand tu vois les syndicats étudiants, l'UNEF, etc., gueuler quand tu touches aux APL, etc. C'est complètement dingue, quoi. C'est fou. C'est des syndicats qui prétendent représenter la jeunesse, mec, mais qui foutent la tête sous l'eau aux jeunes. Je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Enfin bon, là, j'ai vu encore un autre chiffre, c'est par exemple la jeunesse en 20-30 ans, niveau intérim, c'est plus de 30%, je crois, si je me trompe pas. Hein. Ils sont passés de 10 quelque chose pour cent à... Enfin, les actifs de, on va dire, de 20-30 ans sont de plus en plus précaires. De plus en plus. Donc tu vois vraiment que tu vois vraiment que les 20-30 ans se font, mais avoir à tous les tournants, quoi. Même je pense les trentenaires, la génération qui morfle, c'est celle des 25-35-40, je pense. Alors je dis pas que les 20-25 ne morflent pas, mais ils sont pas encore suffisamment dans le système actif pour comprendre ce qui les attend. Mais non, mais ils sont encore dans l'enfance. Ouais, ils sont encore, oui, et puis ils sont dans l'univers. Parce que tu vois, ça, c'est beaucoup du gauchisme, beaucoup du gauchisme ambiant, et il est en vigueur en fait dans des endroits stables et sûrs où les règles sont prédéterminées, c'est-à-dire l'école, l'université, le lycée, etc. Donc tu as des profs, les profs n'ont pas à gagner d'argent, d'accord, ils claquent des budgets. Donc c'est des gens qui n'ont pas à rendre de compte, ils peuvent raconter n'importe quoi, ils sont pas tenus d'avoir, comment dirais-je, de prouver ce qu'ils disent, quoi. Hein. Quand vous sortez de ça, quand vous sortez de la fac, quand vous sortez, sauf c'est des écoles professionnelles où là on vous donne quand même un métier entre les mains, quoi. Mais à l'exception de ces écoles des lycées professionnels, quand vous sortez des facs, etc., tout d'un coup tout change très vite, d'accord. Et là vous commencez à comprendre les règles du jeu et vous comprenez que tout ce qu'on vous a dit c'était faux. Et ça c'est un vrai choc culturel. Mais c'est trop tard. En fait c'est trop tard. Là ce qu'on dit c'est intéressant, mais c'est trop tard. Ça changera rien. Non, c'est irréversible. C'est irréversible, mais de toute manière, la base d'un schéma de Ponzi, c'est d'élargir la base avec le temps. Bah oui. Il faut des mômes, tu vois. C'est en contradiction totale avec le système qui voudrait qu'on fasse de moins en moins d'enfants. Alors, les gauchistes du type Mélenchon, la productivité de ce pays va aller croissante. Et que on va pouvoir compenser la baisse des numériques des jeunes générations par la productivité, avec les robots. Donc lui, tu vois, il pense que en fait les robots naissent en fait par génération spontanée, que la productivité va monter jusqu'aux arbres, enfin que les courbes de productivité, de hausse de productivité vont monter jusqu'aux arbres, et qu'on pourra raser gratis comme ça. En vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est criminel de penser comme ça. Il n'y a pas de lien entre la hausse des exportations, par exemple, la hausse de la productivité, et, comment dirais-je, le niveau de vie des gens sur place. Ça a même plutôt tendance à être l'inverse. Hein. Bah, ça dépend ce que tu exportes. Bah ça dépend. C'est-à-dire si tu peux être ultra compétitif, exporter beaucoup et avoir des gens qui sont très pauvres chez toi. Il n'y a pas de lien. Je veux dire, tu vois, quand le mec il dit non, mais en fait pas, la productivité augmente, donc le niveau de vie va augmenter. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas du tout de lien, je veux dire. Non, effectivement. Après, je prends l'Allemagne, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les types sont extrêmement productifs. Ils ont augmenté énormément leurs exportations. Quand tu regardes au niveau de les Italiens sont plus riches que les Allemands, par tête. Oui, non, mais après, quand tu te lances dans un modèle productiviste comme en Allemagne, il faut quand même une classe productive, travailleuse, qui a un très très haut niveau de productivité et qui va exporter. Alors je sais plus quel est le terme qu'ils utilisent en Allemagne. C'est vraiment spécifique. En fait, ce sont des techniciens de niveau supérieur, des ingénieurs, voire même des ouvriers hautement qualifiés dans l'industrie. Et ces gens-là gagnent beaucoup mieux leur vie en Allemagne qu'en France. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils ont un terme spécifique en Allemagne. Et malheureusement, c'est cette classe sociale, elle existe beaucoup en Italie du Nord. Mm. Et elle en voie de disparition en France. Oh, c'est pas étonnant, ça. Mm. Enfin bon, voilà. Donc, toujours est-il que il n'y aura pas de débat. Enfin, la question des retraites, bon, vous avez compris déjà, la perspective, c'est que c'est pas solvable et que les politiciens ne peuvent pas le dire comme ça. Donc, ils sont toujours en train de jouer sur la. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps avec cet électorat qui est puissant. Et c'est toujours au détriment des jeunes, toujours. Parce que c'est la variable d'ajustement, parce que les jeunes sont dépolitisés, votent beaucoup moins, sont très facilement manipulables, et de toute façon, ne sont pas des possédants. Ils n'ont pas de capital, donc ce sont des gens dont le pouvoir et l'influence est beaucoup plus réduite. Et en plus, ce sont des gens qui ne sont pas du tout organisés. Je veux dire, la jeunesse en France n'est pas organisée, ça n'existe pas. Elle est totalement atomisée. Totalement. Mais c'est très vrai ce que tu dis. Quand tu vois la puissance des syndicats, dire tout syndicat confondu, les syndicats se vieillissent, il n'y a pas de syndicat de jeunes. Et je ne parle même pas uniquement des syndicats à vocation professionnelle. Souviens-toi, auparavant, il y avait des associations de jeunesse, et il y avait notamment les JOC, hein, je sais pas si... Ouais, il y avait des mouvements. Enfin, Il y avait des mouvements de jeunesse... Ouais. Qui était formel, hein, avec des structures, une organisation, des meetings, il y avait des systèmes de formation qui permettaient justement de permettre à leurs membres d'évoluer socialement. Les communistes l'ont fait également. Hein. Je veux dire, l'Église communiste en France, c'était un modèle de contre-société. Et ils ont formé leurs militants. Et leurs militants ont pu grimper l'échelle sociale. Alors dans un contexte économique qui était certain, mais maintenant ça c'est interdit. Parce qu'en fait les réseaux sociaux, ils ont totalement atomisé la jeunesse et la regroupent uniquement par, on va dire, des catégories d'intérêt. Enfin d'intérêt, pas au sens d'intérêt personnel, mais par des niveaux d'intérêt plutôt. Ouais, mais il y a un problème aussi, c'est-à-dire que toute forme d'organisation aujourd'hui est institutionnalisée. Alors que toutes les organisations dont tu parles au départ étaient des organisations privées. Je m'entends. Elles pouvaient avoir un but. Elles pouvaient être marxistes. Mais elles étaient privées. C'est-à-dire que les jeunesses communistes peuvent avoir un but à caractère collectif ou collectiviste. Il n'en demeure pas moins qu'elles évoluent dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'elles évoluent dans la société. Ce n'étaient pas des institutions étatiques. C'est ça que je veux dire. Or, il s'est passé un phénomène avec le triomphe, en fait, du socialisme en France, le triomphe du socialisme culturellement, politiquement, etc. Ça a été l'institutionnalisation de toute une série de choses. Toutes les coopératives, les mutuelles, tout ça, ça a été plus ou moins étatisé. Alors, pas directement, mais ça a été subventionné, ça a été accompagné, ça a été conseillé. Et puis et de là sont sortis des politiciens, etc. Ça, c'est dans les années 60, 70, etc. Donc, ce qui fait que tous ces trucs-là, qui étaient des initiatives qui venaient du peuple et qui venaient de presque, je vais pas dire l'autogestion, mais il y avait un peu cette dimension-là, c'est-à-dire que les gens se prenaient en main et s'organisaient, ça a été institutionnalisé et ça s'est transformé en assistanat. Ce qui fait que maintenant, les gens attendent. Oui, bah, totalement. Bah, c'est ce qui s'est passé quand tu regardes le syndicalisme du début du XXe siècle. Ouais. C'est un système. Les C des syndicats, généralement, c'est confédération. Donc, c'est un système qui va du bas vers le haut. Alors, maintenant, c'est totalement l'inverse. On est dans un système qui est totalement communiste et c'est un système qui va du haut vers le bas. Donc, forcément, les gens qui sont tout au bas de l'échelle, soit ils sont impuissants, ils ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre, soit ils sont dans le clientélisme. C'est ça. Et donc, si tu veux, les jeunes qui sont complètement parce qu'il y a eu une rupture comme les boomers. enfin, les 68 arts ont opéré leur propre révolution culturelle, un peu à la Mao, il y avait des maoïstes, hein. Ils ont vraiment coupé les ponts, le monde ancien on le bazarde. Donc ils n'ont rien transmis aux jeunes. Donc très peu de jeunes ont un capital, on va dire un capital politique, ou un capital d'expérience historique, ou un capital culturel. Pas beaucoup, au final. Quand tu vois le niveau de l'éducation qui s'écroule, tu dis, bon, bah, la transmission, de toute façon, elle va pas se faire par là non plus. Hein. Donc, t'as des jeunes qui ne reçoivent rien, ou peu, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont éduqués par la télévision, bon, Cyril Hanouna, donc c'est des gens qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus d'organisation, d'aspiration à l'organisation, et si tu veux créer un truc, la police s'en mêle. La moindre tentative d'organisation, hein, à caractère politique, est immédiatement fliquée, et si elle essaye de contester l'ordre établi, elle est détruite. Finalement, les Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est des gens des catégories populaires qui font face à un déclassement. C'est des gens catégorie, on va dire, le bas des classes moyennes, on va dire. C'est le bas des classes moyennes, blanches, qui sont de plus en plus précarisées, qu'on taxe de plus en plus, et qui disent, bon, il y en a marre. Les types essaient de s'organiser, ils essaient de se faire entendre leur voix. La réponse du système, c'est, si vous foutez votre nez dans les villes, on vous casse la gueule. Et les CRL, les CRS sont envoyés, on leur file des primes. Voilà. Les médias emballent ça en disant, oui, machin, l'antisémitisme, la démocratie, voilà. N'empêche que c'est ça. Donc en fait, même quand t'essayes de te faire entendre, tu te fais casser la gueule. Donc c'est très clair, je veux dire. Et on a vu les syndicats, tu vois, c'était très révélateur. Les syndicats, CGT, etc., ils ont essayé, ils voulaient pas participer au truc des Gilets jaunes, parce qu'ils ont senti que c'était, tu vois, c'était contestataire. Et ces gens-là sont vraiment... c'est para-étatique aujourd'hui, les syndicats, quoi. Et ils ont fermé la porte derrière. Tu disais, il n'y a pas de syndicat pour les jeunes, etc., mais tu peux pas être un syndicat représentatif, tu vois. Parce que le système est verrouillé. Il y a 5 ou 6 syndicats qui sont reconnus officiellement en France. Il ne peut pas y en avoir un de plus, etc. Et les petits syndicats qui existent sont des syndicats d'extrême gauche, dans quelques branches, et les mecs tournent en rond parce qu'en fait, ils font de la surenchère gauchiste et ça mène à rien, quoi. Donc, dans tout ça, si tu essayes de t'organiser, tu ne peux pas. Parce que les syndicats seront contre toi. Quand il y a eu les Gilets jaunes, les mecs ont fait quasiment des contre-manifestations, avec aucun succès. La CGT a rassemblé, je crois, 1000 pelés à Paris quand il y a eu des grosses manifestations de Gilets jaunes, etc. Ils ont échoué. Mais quand même, ils essayent. Donc, il n'y a pas d'espace. Oui, non, mais en fait, ce qui a fait peur aux syndicats, c'est qu'à la base, c'est un mouvement antifiscal. Ah bah, bien sûr. C'est un mouvement qui est antifiscal. Et qui est libéral même sur le plan symbolique, tu vois. Les gens voulaient juste rouler tranquille sans qu'on les fasse chier. Et ça, moi, je l'ai vu, hein. Les gauchistes ont été vraiment très circonspects. Les syndicalistes ont vu le truc avec beaucoup de crainte. Ils ont réussi à récupérer le mouvement, précisément parce que le mouvement s'est déplacé vers les centres-villes, ouais. Et qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu une bagarre de rue, on va dire. Dans les manifs, l'extrême gauche a viré l'extrême droite avec la complicité des médias et les cadres, on va dire, influents et influençables, parce que ces gens ont été des relais, ont été récupérés par l'extrême gauche. Ah, bah, totalement, totalement. Mais c'est bon, on le voit le truc, mais en tout cas, pour en revenir vraiment à la jeunesse, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Finalement, quand tu vois des mecs comme il s'appelle Nicole, j'ai oublié son prénom à lui. Maxime Nicole. Ouais, Maxime Nicole, c'est typique. Ce mec-là, moi j'ai pas d'animosité trop envers ce mec-là parce qu'il est caractéristique des jeunes de son époque. C'est un type qui n'a pas de culture politique. Zéro. Il n'a que la culture de ce qu'il a vu à la télévision. Tu vois ? Mais c'est pas le mauvais mec. Il a bon fond. Il veut bien faire. C'est vrai qu'il est très représentatif. Il est très représentatif de la jeunesse française. En plus, ça se voit sur son visage. Dans son look, il est très représentatif de la jeunesse française. Effectivement, voilà. T'as raison. Donc il veut être dans une colère, mais dans une réaction. Il n'est pas dans une position révolutionnaire. Il n'a pas fait un travail de politique, etc., d'analyse, etc. Pourquoi ? Mais il n'a pas eu accès, c'est tout. Il n'a pas eu accès à une tradition militante, ou il n'a pas eu accès à diverses connaissances, etc. Donc il bricole. Et en fait, ils tourneront, et évidemment, quand ils tombent sur les vieux roublards de la politique, comme les trotskistes, etc., le mec se fait embarquer en moins de temps qu'il faut pour le dire, et il se retrouve, sans même s'en rendre compte, à la remorque de Mélenchon, emballé, c'est pesé, l'affaire est entendue. Ah bah, tu sais où il est, là? Il est chez la gonzesse de Frédéric Lordon, chez Haut-de-Lance. Ouais, voilà, c'est fini. Il vient voilà, de rejoindre les médias. Ouais, bon, bah, c'est mort, c'est terminé pour lui. C'est terminé, voilà, c'est bon, ils vont... Les mecs vont refaire la révolution à 4 sur le plateau de télévision, voilà, et c'est fini. Donc, mais c'est révélateur. Vous voyez, le système, vous voyez, et en même temps, moi, je vais dire aussi, là, peut-être qu'on va en terminer là-dessus, ce que fait Mélenchon à gauche, c'est ce que fait le Front National à droite, enfin Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle est sur une situation de rente personnelle, elle distribue les rentes à d'autres. Ces gens-là prospèrent sur, non pas un mécontentement, comme j'entends souvent, sur un effondrement culturel, social, économique, historique, d'une ampleur probablement inédite en France. Nationale. Voilà. Elle est là, elle est en vacances en Thaïlande, je ne sais où, elle revient, montrer sa gueule, oui, truc, elle donne des bons, des mauvais points, elle repart. Mais attends, mais tu imagines le niveau de confort pour elle? Bah oui, c'est pour elle. C'est inespéré. Elle ferait quoi, cette nana-là, dans le civil? Hein? Ah bah non, bah rien. Elle serait au mieux la secrétaire de direction de son mari. Ouais, au mieux. Mais elle est dans une elle gère une rente électorale de la même façon que Mélenchon gère une rente électorale et que le Parti Socialiste et tous ces gens-là s'entendent finalement. C'est pour ça, moi j'ai vu ça aussi. Rappelez-vous quand il y a eu les émeutes violentes là en décembre. À Grenoble. Non, à Paris, en décembre 2018, où vraiment le Macron a eu peur quand même. Ah oui, tu veux parler de l'acte 3 et 4? Ouais, ils ont vraiment eu peur. Ils se sont dit ça peut vraiment prendre des ça peut vraiment dégénérer. Marine Le Pen, à la télévision, a rassuré le système. Elle a dit c'est inacceptable, etc. Le président, etc. Ils en sont. C'est des postures. Donc le problème dans tout ça, c'est que si vous êtes sincère et que vous, ce qui vous intéresse, c'est le bien du peuple, mais surtout le bien des nouvelles générations, parce que c'est eux qui vont faire le peuple de demain, hein, c'est pas ceux qui ont 70 ans et plus. Hein. Donc si c'est le devenir de ces gens-là qui vous intéresse, vous constatez qu'ils se font avoir à tous les coins de rue. C'est pour ça que c'est assez désespérant et qu'il peut y avoir qu'une rupture violente si elle doit advenir, ça sera forcément violent parce que il n'y a pas d'espace. Et il y en a de moins en moins, même. C'est-à-dire qu'on voit bien... Il y a des tentatives, hein, je veux dire. L'extrême-gauche, je suis un peu... l'extrême-gauche, de toute façon, n'est pas un problème pour le système, puisque de toute façon, tous leurs présupposés sont institutionnalisés en France et constitutionnalisés. Antiracisme, égalitarisme, etc. Bon. Mais à l'extrême-droite, les contestations radicales qui ne se retrouvent pas à gauche et qu'on peut retrouver dans ce qu'appelle le système l'extrême-droite, dès qu'il y a une petite tentative, avec le bastion social par exemple, ou avec d'autres formations, qui dès qu'elles sont soupçonnées d'être sérieuses dans leur volonté de contestation, on siffle la fin de la partie, on envoie les flics. Ça ne prend que quelques mois en fait. Et maintenant, ça va au-delà, maintenant c'est les réseaux sociaux. Donc là c'est loi Avia, et puis truc, et puis machin... Et alors, ils habillent ça avec des mots, ils disent « Oui, mais la démocratie, la liberté, l'égalité... » Vous avez en fait... Mais non. Il s'agit, pour une clique, pour des apparatchiks, pour une nomenclatura, de tenir d'une main extrêmement ferme le système. Et il ne peut pas y avoir de contestation. Les indigènes pauvres ou précaires, ils sont bons à bazarder, ils en ont rien à foutre. Et en haut lieu, ils ont décidé que pour maintenir ce système, il fallait venir X millions d'immigrés, etc. Ils les font rentrer, et si vous vivez mal à côté de ces gens-là, rien à foutre, c'est pas leur problème. Eux, ils vivent dans des quartiers protégés, ils ont des revenus qui leur permettent de toute façon de vivre complètement coupés du reste de la population, tout va bien pour eux. C'est une situation qui n'est pas tenable dans la durée, mais qui appelle une révolution. On peut pas être réformiste comme le Front National et dire on va gagner les élections, on va changer le système. C'est pas vrai. Non. Mais ni Mélenchon d'ailleurs, je veux dire, même Mélenchon dans un autre genre. C'est fini. Et au niveau électoral, nous sommes un pays d'Afrique. Tout pays d'Afrique est gouverné par son ethno-mathématique. Et c'est terminé. Je suis désolé, voilà, c'est terminé, c'est fini, c'est foutu. Bah, en fait, disons qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais elles se font au niveau électoral. Ouais, c'est ça, électoral, c'est... j'entends. Électoral et national. C'est ça, ça peut pas se faire avec les règles de la 4ème République, enfin, maquillée en 5ème, c'est pas vrai. Voilà. Et on le voit avec, tu sais, l'affaire Thuram, tous ces micro-histoires qui se succèdent les unes aux autres à un rythme de plus en plus accéléré, où en fait, c'est très simple, hein, tu as les groupes raciaux, mais surtout les groupes basanés, quoi, les musulmans, qui crachent à la gueule des blancs, je veux dire, ils leur font savoir. Et tu as les arbitres des élégances, qui est la bourgeoisie blanche, qui, elle, sait que l'État qui garantit le statu quo, donc ses rentes, est en danger, qui sait que, en fait, la dynamique raciale en cours, donc la compétition raciale en cours, au niveau des catégories populaires, est dangereuse pour elle. Exactement. Mais ne rappelle à l'ordre qu'une race, pas l'autre. Parce qu'elle a peur, elle a peur des halogènes. Elle est prise au propre jeu de ses propres interdits, d'ailleurs. Parce que si elle rappelle à l'ordre les métèques, on l'accuse de racisme. Donc, qui c'est qu'on peut rappeler à l'ordre face au bouillonnement racial? C'est les blancs. C'est les plus faciles à t'appeler. Et on les culpabilise. Et c'est ce que fait la bourgeoisie blanche. La bourgeoisie blanche culpabilise, on va dire, le prolétariat blanc, les catégories populaires blanches, en leur faisant en permanence des procès en racisme. C'est le boulot des médias. Et dans le même temps, ferme sa gueule devant les métèques, qui leur sert, en plus, ça Zemmour l'a bien expliqué, et puis d'autres, hein, je veux dire, qui leur sert, en fait, de domestique dans les grandes villes. Oui, non, mais on parlait de l'immobilier tout à l'heure. Les grandes villes de France, et pas uniquement Paris, vont devenir des villes où il n'y aura que des riches qui gagnent au minimum 5000 euros tout en étant en couple. Hein. Enfin, à côté, il y aura des bougnoules dans des quartiers complètement pourris qui, je pense, ne feront même pas tourner l'infrastructure dans sa totalité. Ouais. Ce qu'ils feront, c'est surtout livrer des livrous ou des conneries comme ça. Et puis, dans la périphérie, tu as les blancs qui font tourner l'économie de ces villes et qui vont devoir se taper des kilomètres pour aller torcher le cul des nègres et des bobos. Voilà. Très bien. On se sépare là-dessus et on se dit à la semaine prochaine, chers amis. Oui, à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.